La séance est ouverte. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Chahir a donné procuration à Hamid Chahir. Oui, Hamid. Édouard De Noël, Émilie Trigaud, Vincent Doucissé, John Jibiro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Shoki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlan Georges a donné pouvoir à Émilie Trigaud, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Valérie Bille, Yalana Dino m'a donné pouvoir, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Jean-Claude Oliva, Mariam Diop a donné pouvoir à Vincent Doucité, Kaline Tribic a donné pouvoir à Cédric Pape, Hamid Chahir, Karamoko Sissoko, Mamadou Sila a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Manon Chrétien, Issa Nounissi a donné pouvoir à Brahim Akrour, Zora Kelly a donné pouvoir à Édouard De Noël, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desborsili a donné pouvoir à Laurent Jamais, Raquel Garrido, Claire Laurence et Solène Le Bourris a donné pouvoir à Mohamed Jenan. En introduction, comme la dernière fois, un mot sur la situation Covid-19. Le centre de vaccination, comme vous le savez, qui devait ouvrir à Bagnolet, nous continuons à le préparer. D'arrache-pied, nous avons écrit au préfet de Seine-Saint-Denis il y a 15 jours pour l'interroger sur l'ouverture de ce centre qui n'a pas pu ouvrir à ce jour, faute de doses. Depuis le début du mois de janvier, le centre municipal de santé répond aux appels des habitants sur ce sujet et prend les coordonnées des personnes concernées par la vaccination pour le moment où des créneaux de vaccination seront disponibles. Grâce à ce travail du CMS, mais également grâce à la bonne collaboration entre les maires des villes de Bagnolet, Montreuil et Romainville, et je tiens à remercier Patrice Bessac et François Dechy, des créneaux dans les centres de vaccination des villes de Montreuil et Romainville sont réservés aux habitants de Bagnolet. La ville met également à disposition le dispositif Bajoli pour faciliter l'accès à ces centres, à nos seniors qui auraient des difficultés à se déplacer. La ville de Bagnolet réitère donc sa demande vis-à-vis de l'État de prendre une large part dans la campagne de vaccination en étant autorisée à ouvrir son centre. Sur la détection des cas de Covid-19, la ville a fait l'acquisition, comme j'ai eu l'occasion de le dire en février, de matériel permettant la réalisation de tests salivaires. Nous sommes la seule ville en Île-de-France à nous être dotée d'un tel dispositif à ce jour. Cela permet à la ville de déployer ces tests salivaires en partenariat avec le laboratoire ZTP pour prévenir ou pour détecter des cas auprès des groupes ciblés. Ainsi, la ville a pu organiser 2 séances de dépistage auprès des agents de la ville, en 6 séances dans les centres de loisirs et écoles auprès des enfants, des parents et du personnel dès qu'il y a un cas positif dans un centre de loisirs ou dans une école. La ville a pris les devants pour mettre en place ce dispositif dans les écoles, là où l'État est une nouvelle fois défaillant. Les protocoles sanitaires dans les services de la ville et vis-à-vis de l'accueil du public ont été renforcés dès l'apparition des variants. Enfin, la ville a procédé à une nouvelle distribution gratuite de 4 masques en tissu par élève de primaire à la rentrée des vacances scolaires de février. Voilà le point d'information que je souhaitais vous faire sur le Covid-19. L'ordre du jour est donc ouvert. Monsieur Haddad, souhaitez la parole. Vous entendez ? Ouais. Alors, je vais intervenir du coup en préambule du conseil municipal pour une affaire qui fait l'actualité en ce moment au sein de la commune de Bagnolet. Donc, j'ai préparé une intervention en ce sens. Chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord le maire de me permettre de faire cette intervention en début de séance. Mesdames et messieurs les élus, nous avons appris cette semaine par le commissariat de Montreuil qu'une enquête impliquant 2 agents évoluant au sein du centre social Anne Frank était en cours. Bagnolet est un village et très rapidement l'information a fait le tour de la ville. Beaucoup de choses ont été dites. Notre responsabilité est de clarifier la situation et d'informer le conseil municipal ainsi que nos administrés de la situation exacte. À ce stade, il est avéré que la ville a subi un préjudice et que des chèques lire distribués dans les centres sociaux ont été utilisés de manière frauduleuse. Il est également avéré que dans cette affaire, une citoyenne a subi une énorme injustice. Cette dernière, totalement étrangère à l'affaire, a en effet été victime d'une usurpation d'identité pour masquer l'escroquerie. En tant qu'élu, chargé de la jeunesse et de la vie sociale des quartiers, et donc du secteur concerné par cette affaire, mais également en tant que bagnoletais, je souhaite tout d'abord m'associer à l'empathie et à l'émotion qu'a suscité cette affaire au sein de la population bagnoletaise. J'assure également la victime que nous assumerons toute notre responsabilité dans cette affaire. L'usurpation d'identité que j'évoque sera, selon mes informations, très prochainement l'objet d'une plainte. Ces procédures sont longues, mais nous n'avons aucun doute, justice sera faite. Je tiens tout de même à apporter plus de précisions sur les conséquences de cette usurpation d'identité. Le mardi 2 mars, à 6h du matin, cette mère de famille a basculé dans le cauchemar. En subissant une perquisition à son domicile, ses trois enfants sont encore sous le choc. Dans la foulée, elle s'est vue signifier une garde à vue pour fait d'escroquerie. Alors qu'elle clamait pourtant son innocence, son appartement a été fouillé. Elle a été questionnée toute la journée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la police déterminera son innocence et en début de soirée qu'elle sortira du commissariat, libre et lavée de tout soupçon. En tant que père de famille, à titre personnel, il m'est insupportable d'imaginer qu'un tel traitement pourrait m'arriver à moi, ainsi qu'à vous. Je mesure le calvaire et le préjudice moral de l'intéressé, ainsi que celui de ses proches. Cette famille a reçu de très nombreux messages de soutien dans notre ville. Bien qu'ils ne réparent pas le préjudice subi, nous espérons au moins qu'ils apaisent. Nous espérons également que cette famille pourra se reconstruire sereinement. Nous les accompagnerons dans cette démarche. Après l'émotion, vient le temps de l'action municipale. En début de semaine, le directeur général des services de notre collectivité territoriale a reçu les agents concernés et a lancé une enquête administrative. Bien entendu, je vous tiendrai informé des résultats de cette enquête. Le temps de la justice va continuer et si les faits venaient à être confirmés, au vu de la gravité, de leur gravité, nous demanderons, en accord avec le maire, les sanctions les plus sévères. De telles pratiques présumées sont un obstacle à l'objectif même des centres sociaux, c'est-à-dire à faire participer les habitants à l'amélioration de leurs conditions de vie et à travers des principes fondamentaux parmi lesquels la culture, l'éducation, les loisirs, la solidarité, la prévention, la réduction de l'exclusion et ainsi permettre l'émancipation des populations les plus défavorisées sur notre territoire et dans nos quartiers populaires. Utiliser son pouvoir dans les centres sociaux pour priver une partie de notre population d'avoir accès aux ressources auxquelles elle a droit est à peine concevable. Nous luttons contre toutes les dérives, mais dans de telles situations, des répercussions économiques et sociales sont encore plus graves. Il est donc essentiel de réagir vite et fort si nous voulons tenir les engagements de transparence, de justice, d'équité que nous avons pris lors de la campagne électorale. Depuis notre prise de fonction, nous collaborons continuellement avec les services afin d'améliorer la transparence. 9 mois après notre prise de fonction, nous constatons que le secteur de la jeunesse et de la vie sociale des quartiers avait été totalement abandonné par l'élu anciennement en charge du secteur, Mandana Aït Saïdi. Cette dernière, appartenant au groupe Dynamique Citoyenne, est restée absente plus de la moitié du mandat, tout en continuant à percevoir ses indemnités, sous couvert de Mohamed Hakem, premier adjoint en charge du personnel et président du groupe Dynamique Citoyenne. Il a laissé la situation se dégrader. La situation est inquiétante. Plusieurs agents sont en souffrance ou ont quitté la collectivité pour certains d'entre eux. Désormais, en collaboration avec le maire, je les ai tous rencontrés et accompagnés dans leur démarche. Très prochainement, en accord avec le maire, nous déploierons une nouvelle stratégie pour redynamiser le secteur de la jeunesse et de la vie sociale des quartiers, car les derniers événements nationaux viennent confirmer que c'est une priorité, une urgence. Un effort et une attention particulière sont prévus en direction du centre social Anne Frank, à commencer par le recrutement très rapide d'un nouveau directeur. Le poste de directeur du centre Anne Frank est resté vacant trop longtemps et les directeurs qui y sont brièvement passés ont laissé une structure sans direction ni contrôle. Nous devons désormais impliquer les citoyens au cœur des centres socioculturels de notre ville. La transparence retrouvée doit être définie avec la population et la participation publique. Nous allons également préparer avec tous les directeurs un forum de travail et renforcer la formation interne ainsi que l'analyse des risques. Enfin, le succès de cette démarche de transparence, de restructuration du service et d'implication citoyenne dépend des mesures politiques et administratives qui seront prises prochainement. Je suis certain que nos efforts, que notre volonté de remédier aux causes qui ont conduit à la situation présente, ainsi que notre détermination à obtenir des résultats, nous permettront de sortir de cette sombre affaire. Je suis, comme avec le maire et la majorité municipale, déterminé à faire de cette situation une force pour aller de l'avant. Il est urgent d'agir et nous agirons. Je vous remercie. Oui, moi, j'avais juste une petite question, parce que je dois être en proie à un épouvantable trou de mémoire. Qui était donc le maire sous le mandat dont vient de nous parler M. Chouki Haddad? C'était ma seule question. Mais vous avez la réponse, M. Lyonnais. M. Jamais. Oui. D'abord, je vous remercie d'avoir fait ce point, parce que c'était un moment important qu'on puisse avoir un échange. Parce que nous avons découvert sur les réseaux sociaux, sous la plume de quelqu'un qui vous est à tous proche, ces éléments. Ça nous semblait une manière un peu étrange d'ouvrir le débat sur une situation que nous ignorons de bout en bout. Et ce qu'il convient de dire, c'est que la presse s'intéresse à cette question. Il y aura notamment, je crois, bientôt un article. Et que ça me semblait, comme je viens de le dire, extrêmement étrange d'amener les choses de cette façon. Donc, c'est bien qu'on ouvre sur le conseil municipal. On aurait préféré avoir un échange sur ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous demander, monsieur le maire, de diligenter aussi, au-delà des enquêtes administratives, mais peut-être des enquêtes administratives indépendantes, de savoir si plainte a été déposée de la collectivité, mais aussi d'organiser, dans les délais les plus brefs, une réunion extraordinaire des présidents de groupe pour pouvoir échanger sur le sujet. Parce qu'il y a l'affaire je ne vais pas me prononcer parce qu'on n'a pas d'éléments, mais la presse, ce matin, fait état d'une autre affaire qui est évoquée donc, dans le Parisien de ce jour, qui évoque évidemment, au-delà de la violation des règles sanitaires, l'ouverture d'un gymnase. Dans l'article, il est dit que la personne est soupçonnée d'avoir sous-loué l'équipement communal ou tiré des avantages en nature de cette ouverture frauduleuse. On apprend que le DGS, pour lui, c'est une vraie surprise, il tombe des nues. C'est une affaire délicate et que nous prenons au sérieux en raison de la situation sanitaire. Une enquête administrative, là aussi, va être menée. On ne va pas se raconter d'histoire. Il se raconte beaucoup de choses dans la ville. Et nous, à l'image de ce que nous sommes, nous n'avons jamais voulu véhiculer des informations fausses, jamais donner de fausses informations. Et là aussi, on veut la plus parfaite transparence, qu'on puisse échanger sur, effectivement, les éléments qui sont en votre possession. Parce que, effectivement, vous comprendrez bien que, coup sur coup, deux affaires dans la presse, ça fait tâche pour la ville, ça fait tâche pour l'administration, ça fait tâche pour votre équipe municipale, et sur lequel, nous, on veut, évidemment, des réponses. Je ne dis rien sur le fait, effectivement, qu'on a là eu un petit règlement de compte vis-à-vis d'élus qui ne sont pas présents aujourd'hui, et effectivement, je souscris pleinement à ce qu'a dit mon ami Pierre Vionnet. On n'est pas là pour régler des comptes. En tout état de cause, toute la transparence sera faite sur ces questions-là. Et s'il faut en informer de manière régulière la coordination des présidents de groupe, nous le ferons et nous informerons également, en fonction des éléments dont nous disposons, le conseil municipal. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Madame Garrido, je vous propose Non, si on peut démarrer l'ordre du jour, maintenant on a fait un point d'actualité. Pardon, mais est-ce que vous pouvez juste répondre à la question de Laurent Jamais concernant la plainte? Parce que si on a bien compris, il n'y a pas ni plainte pour l'instant sur l'usurpation d'identité qui est alléguée, ni plainte de la commune concernant le vol des chèques-livres. Donc, à un moment donné, soit on fait la vérité, la lumière, soit on ne le fait pas. À ce stade, il y a des enquêtes de police et la ville se positionnera en fonction des éléments dont elle dispose. Alors, vous êtes en désaccord avec Shaoqi Haddad, qui considère avéré que la ville a été frauduleusement volée. Mais la ville prendra toutes ses responsabilités. Toutes ses responsabilités. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte ? Toutes ses responsabilités. Monsieur De Noël. Mais peut-être qu'on peut discuter du coup de procédure pénale. Vous pouvez être informé par un avocat d'un préjudice et votre avocat vous dit le préjudice, on attendra de savoir à quel moment il sera chiffré. Et ça, vous pouvez porter plainte que quand il est chiffré. Non, ça c'est du droit civil, Édouard De Noël. Non, c'est du droit pénal. Shaoqi Haddad a dit, a accusé nommément des agents de la ville. Pas nommément, mais il dit que c'est avéré. Si vous le permettez, il n'y a personne qui a été accusé nommément. Contrairement à ce que vous dites que c'est avéré que des agents de la ville ont volé des choses. Il n'y a personne qui a été. Non, il n'y a pas de nom. Shaoqi Haddad l'a dit. Il n'y a pas de noms qui ont été cités au sein de cette Mais des agents de la ville. Donc vous n'allez pas ouvrir une purge contre les salariés de cette ville sans aller au moins à la police. La ville n'a pas l'intention de faire de purge. Alors portez plainte. La ville va faire toute la lumière. Pourquoi vous avez... Ah non, on n'a pas peur de porter plainte. Shaoqi Haddad. Et on passe merci. À l'ordre du jour. Voilà, juste pour balayer rapidement sur l'ordre du jour. Moi, je m'abstiendrai en fait de répondre à toutes ces questions parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai appris connaissance de votre communiqué qui est paru tout à l'heure, il y a quelques instants. Moi, je vois qu'il n'y a pas un mot pour la victime, or que vous saviez qu'il y a une victime. Vous le disiez vous-même que tout se sait sur Bagnolet. Donc, vous devez être au courant de cela. Or, monsieur Jamais, je parle. Non, mais je parle, je termine. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi terminer. Chacun son tour, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, en fait, moi, je vais simplement m'abstenir. Je ne vais pas faire de la politique politicienne sur cette affaire. Il y a une victime. C'est cette personne-là qui m'intéresse. Il y a des agents concernés. OK. Sauf que là, moi, je vais pas m'étaler sur cela. Et je vais laisser la justice faire la suite sur cette affaire. Vous n'avez pas porté plainte. Il y a une enquête de police et... Nous suivons l'affaire de près et nous prendrons nos responsabilités. Donc, je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations à ce sujet ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Premier point de l'ordre du jour, classique à cette période de l'année, rapport sur les orientations budgétaires. Olivier Tarabella. Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous le savez, chaque année, dans un délai de 2 mois qui précède le vote du budget, nous avons l'obligation de présenter, dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire, un rapport d'orientation budgétaire qui en est l'outil principal. Ce rapport est un exercice imposé, très encadré par la réglementation quant à son contenu et sa forme, et qui comporte également, évidemment, des éléments qu'on pourrait appeler politiques, qui sont des éléments qui liste les orientations et priorités fixées par les élus en vue de l'exercice en cours, voire d'exercices subséquents lorsqu'il y a des projets pluriannuels qui sont présentés. Ce rapport est évidemment construit dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte Covid qui n'est pas une année normale. Il tire les conséquences des circonstances de 2020 qui se poursuivront en 2021 jusqu'à une période que nous ne connaissons pas encore et qui dépendra évidemment de l'avancée de la politique vaccinale du gouvernement. Premier élément de cadrage, en 2020, nous avons à peu près la facture définitive du Covid sur la ville. Elle est de l'ordre de 1,5 million d'euros de perte de recettes, un petit peu plus dans les éléments qui seront dans le compte administratif, et à peu près 500 000 euros de dépenses exceptionnelles, dépenses qui sont liées notamment pour l'acquisition de matériel type équipement de protection individuelle, gel hydroalcoolique, séparateurs plexiglas et autres, et qui évidemment impactent lourdement les équilibres pour la ville. Malgré tout, le résultat 2020 sera un résultat positif de l'ordre de 2,5 millions d'euros, qui s'explique par les arbitrages réalisés en cours d'année sur l'addition modificative et par les effets également d'une réduction d'activité sur le deuxième confinement mis en place à partir de l'automne. En 2021, nous avons donc évidemment la suite de ce contexte Covid qui se met en œuvre. Nous avons toujours des effets sur les recettes. C'est le cas en particulier de la taxe de séjour, puisqu'elle sera diminuée au regard de l'activité hôtelière qui sera figée jusqu'à ce que le tourisme reparte. Nous aurons également une forte baisse de la taxe d'aménagement qui était dynamique sur la ville depuis plusieurs années du fait de projets en cours et qui ont ralenti évidemment du fait d'abord de la période électorale qui est toujours une période qui est calme du point de vue des permis de construire comme dans toutes les communes de France et puis des effets évidemment du moratoire mis en place depuis 2017 qui ralentit fortement le nombre d'opérations réalisées sur la ville. Donc ça, ce sont les premiers éléments. Deuxième élément, conséquence également des réformes en cours au niveau national, avec la suppression de la deuxième fraction de la taxe d'habitation, celle qui est payée par les 20% des ménages les plus aisés, en tout cas des moins pauvres. Nous avons un mécanisme de transfert qui se met en place entre la ville et le département. La ville récupère l'ancienne part départementale de la taxe foncière, part départementale qui est elle-même compensée au département par un prélèvement sur les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ce qui est de Bagnolet, ce produit de taxe foncière est inférieur de 500 000 euros au produit de taxe d'habitation perçu sur l'exercice précédent. Il y aura donc un mécanisme correcteur qui devra être mis en place assez complexe et qui ne nous permet pas d'avoir une certitude sur la compensation à l'euro près du montant de taxe d'habitation qui sera supprimé et qui pose évidemment la question dans le temps de la dynamique de cette recette au regard du développement de la ville. Ces conséquences étant rappelées, le rapport d'orientation budgétaire, je ne rentrerai pas dans le détail de la partie macroéconomique, on a eu un échange rapide en commission municipale et chacun aura pris connaissance du document. Des priorités politiques cette fois-ci qui sont sur 2021, évidemment le lancement des travaux de l'école Pêche d'Or, il y aura de l'ordre de 2 millions d'euros qui seront inscrits au budget dès 2021 pour permettre évidemment les dernières études modificatives du projet par rapport aux attendus de la concertation qui ont été réalisées. L'intégration évidemment du coût du déménagement de la bergerie, de la viabilisation de son site temporaire le temps des travaux et des autres frais qui sont liés aux Algeco qui seront installés pour accueillir les enfants dans le cadre des travaux dans les meilleures conditions. Toujours un niveau d'effort très important sur le patrimoine communal, en particulier sur les écoles. Sur la voirie, nous maintiendrons un niveau d'investissement important sur le bail de voirie, avec par ailleurs la réalisation du passage des Lauriettes, qui avait été négocié à l'époque de la validation des projets immobiliers qui entourent ce passage, et qui bénéficiera d'aménagements ouverts aux habitants, et notamment d'un petit square vert, pour lesquels les promoteurs immobiliers contribueront à hauteur d'un quart du coût du projet. Lancement également du nouveau programme national de renouvellement urbain qui a fait l'objet d'une concertation définitive en février 2021 avec un dépôt de dossier qui interviendra d'ici 15 jours et un comité d'engagement de l'ANRU qui devra se tenir au mois de mai et qui nous permettra à l'été de signer la convention du programme numéro 2. Nous finalisons également le premier programme ANRU cette année avec la convention publique d'aménagement de l'ANU qui prendra fin en 31 décembre 2021, avec la liquidation des biens de reprise qui ne seront pas réintégrés dans le patrimoine de la ville et le paiement de la subvention d'équilibre due à la Sequano dans le cadre du programme. Nous mènerons également, en profitant du bénéfice des marchés financiers actuels, des opérations de réaménagement de notre dette qui visent à bénéficier de taux particulièrement bas au regard des taux historiquement détenus sur ces contrats de prêt. Ces contrats de prêt seront donc renégociés avec les différentes banques. C'est un travail qui est en cours et qui interviendra au fur et à mesure de l'année, aux dates anniversaires des 10 contrats. L'objectif étant bien évidemment de diminuer le capital et les charges d'intérêt à rembourser pour dégager des marges de manœuvre visant à permettre le financement de nos investissements sans avoir à recourir à l'excès, à l'emprunt. Le recours à l'emprunt lui-même sera, comme d'habitude, réduit au strict minimum, avec un emprunt d'équilibre au stade du budget primitif et une autorisation d'emprunt qui sera diminuée en cours d'année des recettes exceptionnelles que nous attendons, qui sont soit des recettes de cession, soit des recettes de subvention exceptionnelle, soit d'autres recettes susceptibles d'intervenir, comme nous le faisons maintenant depuis 2017, ce qui nous a permis sur les derniers exercices de ne pas emprunter plus que ce que nous remboursions en termes de dette. Et ainsi, sur les trois dernières années, nous avons réussi à avoir une dette stable malgré le niveau d'endettement de la ville et l'importance des engagements financiers sur un programme de rénovation urbaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes de la politique de la ville. Voilà ce que je peux vous dire sur l'Europe à ce stade. Merci Olivier. Monsieur Vionnet. Merci. Bon, vu l'importance du sujet du, du rapport d'orientation budgétaire, nous interviendrons à plusieurs voix. Donc, je me permets de commencer. Laurent Jamais continuera et Pierre Laurent. Avec le même temps de parole, Monsieur Vionnet. Apportera. Voilà, avec sans le doute temps de parole encadré par le règlement intérieur. Je sais que vous y êtes attaché. Donc, vous nous rappelez au début, ce qui est naturel, que ce débat d'orientation budgétaire, c'est un moment de débat politique, hein, et vous insistez sur le fait que c'est le premier budget de la nouvelle mandature. Voilà. En vous lisant, on est pris d'une petite émotion, on se dit « ça y est, on va enfin découvrir la vision de la ville, du duo dirigeant, messieurs Taravella et Di Martino ». Et voilà. Et en fait, pas grand-chose. On prend connaissance d'opérations qui sont annoncées et dont on parle de longue date. Donc des sujets, j'y reviendrai, sur les écoles. Aussi quelques sujets qui tournent un peu en boucle, par exemple le 115 Robespierre, j'y reviendrai aussi. Et puis sinon, vous nous faites une liste, si j'ai bien compté, je crois que c'est 55, hein, vous faites la liste des 55 engagements qui sont directement issus de votre campagne, dont beaucoup n'ont d'ailleurs pas de traduction budgétaire. Et donc voilà, moi, j'avoue que je n'ai pas trouvé où était l'exercice de priorisation dans cette liste de 55 actions, où était la stratégie, quel bagnolet voulons-nous pour demain, quelle est la stratégie financière, du coup, pour mettre en œuvre cette vision. Et j'ai plutôt eu le sentiment, quand même, d'un certain nombre de poursuites d'actions un peu à la petite semaine ou qui posent question. Bon, on voit que vous faites appel à une AMO pour l'ancien hôtel de ville qui se dégrade quand même depuis des années. Alors, bon, on a entendu en commission que les fresques n'étaient pas abîmées, donc nous en sommes rassurés. Je note aussi qu'il y a, si je ne me trompe pas, 388 000 euros d'heures supplémentaires dans une ville qui, par ailleurs, a les problèmes de respect des 1707 heures de travail illégal. Donc, on peut continuer à s'interroger, comme l'avait fait à plusieurs reprises la Chambre régionale des comptes, sur cette question-là. J'insiste pas non plus sur le fait qu'il y a 560 000 euros pour les frais de contentieux de la ville. Voilà, je pense que si vous attaquiez moins les conseillers municipaux d'opposition, il y aurait quelques économies de contentieux. Ensuite, moi, le deuxième point et le point essentiel de mon intervention, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que dans ce document d'orientation budgétaire, il n'y a qu'une seule nouvelle. Et cette nouvelle, c'est la reprise de la dette. Monsieur Taravella vient d'en parler pudiquement, mais effectivement, le document montre clairement qu'il n'y a pas d'épargne brute. Et donc, mécaniquement, les investissements ne pourront être financés que par une relance de la dette. Cette absence d'épargne brute, la ville de Bagnolet, comme toutes les collectivités, a subi les effets de la crise sanitaire, mais je ne pense pas qu'on puisse l'attribuer à la crise sanitaire, puisque quand on observe, grâce au tableau qui est dans le document, l'évolution de l'épargne de gestion depuis 2018, on voit bien qu'il y a une baisse continue de l'épargne de gestion. Elle était de 6,8 millions en 2018, 4,8 millions en 2019, 3,7 si j'ai bien noté en 20, et vous l'annoncez à 1,7 en 2021. Alors, vous allez peut-être encore nous expliquer que c'est l'héritage. Monsieur Taravella nous a dit en commission qu'il y avait encore eu sur certaines de ces années des rattrapages de cavalerie, mais bon, vous êtes tout de même aux affaires depuis 7 ans et l'argument de l'héritage va commencer à devenir un peu compliqué. Donc, du coup, face à cette situation d'absence d'épargne brute, on est toujours à parler de la même question qui est la stratégie de financement de la ville. Alors, j'évoque juste trois points rapidement. Le premier, vous faites allusion dans le baratin un peu général sur le contexte national et international, vous faites allusion au plan de relance mais je ne vois nulle part d'action sollicitant le plan de relance. Or, j'entends dans différentes communes, et j'observe directement, que les préfets ayant quand même des consignes de mobiliser vite un certain nombre de crédits d'investissement, je vois que beaucoup de communes aujourd'hui, mais ça doit être sur des projets d'une certaine opérationnalité, proposent des dossiers, j'ai eu l'occasion moi-même de travailler sur plusieurs récemment, proposent des dossiers au plan de relance. Je n'ai pas vu cela évoqué dans le document. Le deuxième point, c'est la question des subventions. Alors, vous écrivez que vous faites tout pour les mobiliser au maximum, mais c'est vrai que les chiffres que vous donnez sur 2020, alors, mieux vaut un petit peu que rien du tout, mais les chiffres que vous donnez sont quand même des chiffres très faibles. On a des 2 000 euros, des 30 000 euros, essentiellement des subventions de la CAF. La subvention la plus significative, c'est en fait un dédommagement lié à la crise du coronavirus et à la fermeture des structures de petite enfance. Je m'étonne un peu que s'il y a une politique d'investissement dynamique, on n'ait pas plus de mobilisation de subventions hors en rue, bien sûr. Et puis le troisième point, bon, tout le monde voit bien que vous nous parlez régulièrement moratoire, mais les immeubles poussent, les grues se multiplient, on a l'impression que ce moratoire est bien virtuel. D'ailleurs, je ne vois pas tellement comment il peut en être autrement, puisqu'il n'est pas légal. Puisque, sauf erreur de ma part, un permis de construire ne peut pas être refusé légalement s'il n'est pas conforme au PLU. Et donc, pour moi, ce moratoire est un objet juridique non identifié, pour le dire gentiment. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, la ville subit une construction immobilière importante. On pourrait au moins se dire qu'il faut qu'elle en retire quelques bénéfices pour ses investissements. Il y a un peu deux grandes manières de faire. Il y a soit d'avoir des opérations qui imbriquent des opérations immobilières et de l'équipement, et qui permet d'essayer de faire financer par les promoteurs de l'équipement. C'est souvent le recours, par exemple, au marché de conception-réalisation. Vous avez utilisé cette forme juridique pour un projet dont je n'ai pas compris en quoi il le justifiait, puisque l'école Pêche d'Or, quoi qu'on en pense par ailleurs, mais est un projet assez classique d'une école qui est toute seule sur son terrain, qui n'a pas une complexité particulière, qui normalement rentre parfaitement dans ce qui est régi par la loi de la maîtrise d'ouvrage public. Et par contre, vous n'utilisez jamais la conception en réalisation, alors que je connais des villes qui font payer en tout et partie des écoles, des gymnases, par de telles mécaniques. Et puis l'autre mécanique bien connue, c'est celle des PUP, là, des projets urbains partenariaux. Donc, pour parler français, le fait de faire verser une participation par les promoteurs à des équipements induits ou des espaces publics induits par leur opération, alors certes, qui avait déjà été utilisé dans le passé à Bagnolet, puisque je me souviens que la rue Nouvelle, qui est à côté de la Dalle Thorez, avait été largement financée par l'opération, dans des montants que j'avoue je n'ai pas ressortis, mais qui étaient très élevés. Bon, là, vous l'utilisez enfin, parce que ça fait des années, je crois, qu'on vous parle des pupes. Hein. Vous l'utilisez enfin pour le passage des lauriettes, mais bon, alors que c'est quand même ces deux opérations ont complètement... là, il y a un impact direct qui est très mesurable. Ont complètement détruit l'aménagement, ce qui est assez normal vu l'ampleur des chantiers qui pouvaient préexister. Bon, ils vous versent royalement chacun 50 000 euros, hein. 50 000 Kaufmann, 50 000 Bouygues, pour un investissement de 400 000 euros au total. Donc voilà ces quelques observations. Après, je m'attarde juste sur le programme des équipements, mais je le fais rapidement, parce que je l'ai déjà évoqué dans les propos introductifs. Bon, ce qui en ressort le plus, si je vous ai bien lu, c'est la construction scolaire. Et en cela, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Surtout après un mandat où il n'y a eu aucune réalisation de nouvelle école. Bon, mais nous, on se pose des questions, d'une part, de méthode. Je ne reviens pas sur le sujet pêche d'or, bergerie. On en a déjà parlé, et on va en reparler à l'occasion du vœu que nous avons déposé. Et puis, on se pose aussi des questions de crédibilité, puisque vous nous annoncez dans les documents que vous imaginez mobiliser, si j'ai bien lu, 4 millions d'euros d'investissement par an, hors en rue. Langevin, c'est déjà 17 millions d'euros. Centre-ville, ça pose beaucoup de questions aux habitants, parce que tout ça a été annoncé au moment du projet immobilier de vos amis de COFIM. Aujourd'hui, le projet immobilier Belin-Grain-d'Orge est fini. Il ne se passe toujours rien sur le foncier qu'à l'issue, d'ailleurs, de la mobilisation des habitants, on avait obtenu qu'il soit significatif. Donc, il ne se passe toujours rien sur le foncier Gambetta. Et si j'ai bien lu les tableaux, il n'y a pas un centime d'investissement programmé sur cette école du centre-ville. Donc déjà, il y a ce montant de 4 millions très faible. Il est déjà peu adapté à la programmation scolaire. Et puis, il y a tout le reste. Il y a la voirie, il y a la maintenance du patrimoine, tout ce que vous connaissez aussi bien que moi. Et puis, est-ce qu'on peut vous répondre, M. Vionnet ? Est-ce que vous avez bientôt terminé ? Je termine. Et le dernier point, c'est quand même la question de la transition écologique, hein, qui doit être normalement le grand objectif des budgets d'une ville comme Bagnolet. Vous écrivez « amplifier la transition écologique de l'espace public ». Bon, ce qu'on voit dans ce document, et je vais être rapide et factuel, il n'y a aucune démarche de création d'un nouvel espace public dans cette ville. Je ne reviens pas sur la réunion qu'on a eue hier soir sur les coutures, je ne parle pas des confettis, mais il n'y a aucune réalisation d'un espace public significatif. Il y a des crédits sur le square Jules Ferry, qui est déjà un square existant, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a eu toute la journée des images traumatisantes qui nous étaient envoyées par les habitants du quartier, hein, de l'abattage des arbres. Et puis, l'autre action en la matière, c'est le 115 Robespierre. Donc, pour l'instant, on injecte du béton dans les cavités. Mais surtout, ce qui nous pose question, alors, vous allez me dire que tout ça s'est passé sous le mandat d'un maire inconnu. Mais il me semble me souvenir que sous le mandat précédent, une brillante adjointe à pas d'arbre, qui était pourtant puissamment aidée par son mari, salarié de la ville, ce qui vous avait valu des remarques de la Chambre régionale des comptes, a amusé la galerie pendant des années avec un projet merveilleux sur le 115 Robespierre. Et par les questions que nous avons posées en commission, nous avons appris que ce projet n'était plus d'actualité et que vous nous annonceriez dans l'avenir un nouveau projet. Bon. Et puis, toujours sur cette question de la transition écologique, bon, vous augmentez le bail de voirie, on aimerait bien que ça soit lié à aussi un certain nombre d'engagements de végétalisation, puisque si je parle d'expérience, j'habite, je pense, la dernière rue réaménagée hors en rue à Bagnolet, la rue des Lauriettes, alors j'en oublie peut-être une autre, mais en tout cas une des dernières, qui a été réaménagée de façade à façade sans la moindre plantation d'arbres, qui était pourtant techniquement possible, puisque comme j'évite de raconter trop de choses pas vérifiées, j'étais allé dans le bureau de la directrice de la voirie de l'époque pour vérifier l'implantation des réseaux. Et donc, il était parfaitement possible de planter des arbres, il n'y a même pas le moindre petit buisson dans cette pauvre rue toute minérale. Je ne reviens pas aussi sur les autres questions, parce que vous allez me dire que je suis trop long, matière d'énergie, d'isolation des bâtiments, de vélos, etc. Mais tout ça pour dire succinctement que je ne vois pas la moindre traduction de transition écologique dans ce ROB, et je me répète, je n'y vois que l'annonce de la reprise de la dette. On va avoir l'occasion de vous répondre sur la transition écologique, sur le square ferry, etc. D'abord, sur la durée du travail, puisque ça a l'air de vous préoccuper, sachez que les collectivités territoriales sont invitées à délibérer sur le sujet avant l'été. Donc on aura l'occasion de discuter des 1607 heures et des dispositions pour les mettre en œuvre au sein de ce conseil municipal. Et on verra bien à ce moment-là si vous êtes aussi flamboyant et virevoltant sur le sujet, si vous me permettez l'expression. Sur le 115 Robespierre, effectivement, Christiane Péchy s'est fortement mobilisée sur le sujet et je le remercie. Il fut une époque, cher monsieur Vionnet, où le 115 Robespierre devait être vendu, où on devait y aménager d'autres choses. Donc effectivement, on avait un projet d'hôtel de formation avec Solar Hotel. Et il ne vous aura pas échappé que dans le cadre de l'élaboration du PLUI, la parcelle est devenue inconstructible. Donc nous allons combler les carrières dans les prochains jours et nous allons travailler. C'est Vincent Doucissé, Valérie Bi, Jean-Claude Oliva qui portent le sujet. Nous avons mis en place un groupe de travail au sein de la majorité sur le sujet et nous allons porter un projet de redynamisation de ce site pour la ville, pour les habitants du quartier et pour favoriser la nature en ville. Ensuite, vous nous avez fait, je ne parlerai pas hein, de notre absence de vision, on a l'habitude. On n'a pas de vision, je ne vais pas essayer de vous convaincre du contraire. Nous n'avons pas de vision pour l'avenir, point. Mais il y a un petit sujet qui me chagrine. Vous nous avez fait un long développement sur la manière dont les promoteurs peuvent contribuer financièrement aux différentes opérations publiques, d'une certaine manière. Et vous avez quand même oublié le principal, monsieur Vionnet, et venant d'un spécialiste comme vous, c'est assez surprenant, vous avez oublié la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement que nous avons portée au maximum sur tous les quartiers de la ville et au précédent mandat, et vous vous interrogiez sur les recettes, par exemple la taxe d'aménagement, sur le début des travaux de Avenue Gallieni avec l'immeuble de bureau du promoteur Novaxia, la taxe d'aménagement, c'est 5,5 millions dans les caisses de la ville. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'est pas plus bête que les autres, on n'est pas plus bête que vous, on sait aussi mobiliser des fonds, des dispositifs, donc, parce que ce qu'il faut expliquer à tout le monde, c'est soit sur un projet, si on mobilise un PUP, comme vous dites, on ne bénéficie pas de la taxe d'aménagement. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, à un moment donné, voilà, on fait notre choix et on a préféré porter au maximum la taxe d'aménagement sur tous les secteurs de la ville, ce qui nous permet de rentrer des recettes non négligeables, parce que, croyez-moi, 5,5 millions rien que sur cette opération, c'est pas rien pour les caisses de la ville. Et comme vous êtes quelqu'un d'attentif, vous devriez remarquer, parce que vous nous expliquez que le moratoire sur les projets immobiliers privés n'est pas en vigueur, etc., etc. Mais s'il y a si peu de recettes de taxes d'aménagement dans le cadre du budget 2021, en l'occurrence, on a prévu 800 000 euros, c'est justement parce qu'il y a un moratoire, parce qu'il y a moins de permis de construire. Voilà, tout simplement, tout simplement. Voilà. Si je peux me permettre, aujourd'hui, dans toutes les communes, entre les élections municipales qui ont duré, la crise sanitaire, toutes les communes que je connais affichent aujourd'hui, même dans des cas où des maires voudraient beaucoup construire, affichent une assez forte réduction de la production 2020 et 2021. Il y a un fait nouveau au niveau d'Est Ensemble, c'est qu'on est un certain nombre à porter cette idée de moratoire au sein d'Est Ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Jamais. Allez, ensuite. On reviendra sur le moratoire, effectivement. Alors, chers collègues, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Vionnet, on est au deuxième débat d'orientation budgétaire de la ville depuis l'installation de la majorité suite aux résultats de l'élection municipale 2020. L'an passé, suite à nos remarques sur la vacuité du document, vous m'aviez rétorqué, monsieur le maire, que votre équipe, justement, venait d'être élue et que vous deviez prendre vos marques. Nous avions donc rendez-vous cette année. Alors, je le rappelle, le ROB doit être le document qui marque l'orientation de la ville, sa stratégie, mais permettez-moi de le dire, marque également les valeurs d'une municipalité, sa vision du monde, son analyse de la situation politique et économique de la société. En bref, ça doit être un marqueur fort. Votre rapport sur lequel nous débattons ce soir ne permet pas de comprendre là où vous voulez en venir. Pierre Vionnet a déjà dit un certain nombre de choses, mais comme l'an passé, je vais réitérer ma remarque. Ce n'est pas possible, alors que nous passons, nous traversons ce qui sera sans doute le plus grand séisme économique, sanitaire, que nous n'aurions les uns ou les autres imaginé traverser. Votre document brosse une situation économique et sanitaire que nous connaissons tous, qui laisse planer beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Alors, évidemment, le document est marqué par plusieurs chapitres. Il y a une partie sur la partie macroéconomique et les trajectoires des finances publiques. Je sais que des grandes institutions bancaires vendent l'analyse des premières pages, que ce soit la Banque Postale ou la Caisse d'Épargne. C'est sans doute pratique pour la rédaction, mais sûrement pas neutre politiquement et économiquement, et j'espère surtout que c'est pas trop cher. Ainsi, à votre corps défendant, peut-être, enfin je l'espère en tout cas, on peut lire un vrai satisfecit de la politique d'Emmanuel Macron, de son plan de relance. On est loin des déclarations du Parti communiste, de la France insoumise, bien sûr, mais aussi du Parti socialiste et d'Europe Écologie, les Verts, sur le sujet. Alors, Pierre Vionnel a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on critique qu'on mobilise pas, c'est pas parce qu'on mobilise qu'on ne critique pas. Voilà. Et moi, je crois qu'en l'occurrence, l'ensemble des forces politiques qui sont représentées autour de cette table ont dit ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. De la même façon, et c'est très troublant, le texte s'inquiète, c'est trois lignes, mais quand même, ça marque quand même quelque chose de tout à fait perturbant, s'inquiète des troubles sociaux dans les économies émergentes qui pourraient être un risque pour l'économie mondiale. Soyons clairs, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, la situation des pays pauvres, écrasés par la dette, dont les services publics ont été sacrifiés, vont se soulever. C'est inévitable, avec raison, contre une situation qui est indigne. Et moi, je me demande, à la lecture de ces documents, comment vous pouvez présenter une chose pareille et comment peut-on être aussi cynique dans un document d'une ville qui se veut de gauche. Ensuite, votre document énumère les projets de loi de la loi de finances 2021. Et là aussi, on aimerait entendre des analyses, un avis sur les différentes mesures, des critiques, des remarques, par exemple sur la suppression de la taxe d'habitation, sur le fait que les départements seront amenés à compenser intégralement. Alors évidemment, M. Tarabella a rappelé, il y a un mécanisme, mais on sait aussi que l'ensemble des associations d'élus ont critiqué, évidemment, ces mécanismes. Ce qu'on va gagner d'un côté, on le perdra de l'autre. Les départements ne pourront plus apporter du soutien aux projets des municipalités, et ce sont donc des moyens et des services publics en moins pour les habitants. Par exemple, vous évoquez un certain nombre d'aides contenues dans le projet de loi de finances. Vous soulignez du bout des lèvres qu'il est insuffisant au regard des besoins et du nombre de collectivités qui seraient éligibles, mais on ne dit pas comment, combien, et on ne dit pas comment ça va se dérouler pour Bagnolet. Sur les axes prioritaires, oui, contrairement à l'année dernière, Pierre Vionnet vient de l'évoquer, vous listez des priorités du mandat, ce qui donne trois pages d'un catalogue d'actions et de priorités. Ça sera évidemment trop long de les classer, mais il y a des éléments de propagande, comme par exemple, on vient d'en parler, le moratoire sur les nouvelles constructions de logements privés, illégal et mensonger, illégal car vous savez, il est contraire aux règles d'urbanisme, mensonger parce qu'on sait d'ores et déjà qu'il y a un certain nombre de projets qui sont dans les cartons et qui ne manqueront pas de sortir prochainement. Voilà. Des vœux pieux sans moyens réels, des promesses de campagne trahies, je pense à l'association Sort de Terre du Jardin des Coutures. La question qui n'est pas évoquée, mais qui transpire dans votre document, c'est aussi le fait de savoir si les propositions que vous évoquez sont soutenables. Pierre Vionnel a aussi en a dit un mot, mais je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous sommes dans une période de périls sociaux et sanitaires, là-dessus pas de discussion, et nous serions prêts à protester à vos côtés pour obtenir des moyens supplémentaires, pour protéger les citoyens, pour obtenir enfin le centre de vaccination promis. Vous n'en avez pas dit un mot tout à l'heure. Certaines villes ont vu des centres ouvrir, mais pas Bagnolet. Nos élus pourraient être à vos côtés, nos forces politiques, le député insoumis de la circonscription, le conseiller régional communiste, mais on ne vous entend pas ou trop peu sur le sujet. Et moi, je pense, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, que cette situation est tout à fait insupportable. On ne peut pas se satisfaire également, dans ce moment de perpétuelle baisse de dotation de l'État, des incertitudes, je l'ai déjà dit, sur les compensations, sur la TH. Le ROB est discret sur la dette, évoquant son extinction, et pourtant l'appel à de nouveaux emprunts pour financer les investissements, ou comme par le passé, le fonctionnement de manière illégale. Au regard de la situation de la ville, de son endettement, nous craignons aussi le recours, comme ça a été le cas par le passé, à des emprunts exotiques et dangereux, c'est ce qui a été fait dans le précédent mandat. Ou alors, on s'oriente vers une augmentation d'impôts déguisés. Permettez-nous d'être échaudés par votre phrase sur la non-augmentation des impôts que vous avez dû écrire dans quasiment tous, sauf un, de vos robes dans le mandat précédent, que vous avez inscrit dans le marbre de vos engagements et qui s'est traduit en cours de mandat par une nouvelle pression fiscale dans le précédent mandat pour les bagnoletais. Après, avec la réforme de la TH, on écarte au moins ce risque, mais pas pour la taxe foncière qui, à Bagnolet, touche les propriétaires occupants et locataires de l'office HLM. Vous évoquez le maintien de l'aide aux associations. Alors là, on vous aimerait attirer l'attention des associations, des citoyens, sur la réunion qui s'est tenue hier soir de la commission d'attribution des subventions. Le compte-rendu que nous a fait Solène Le Boris choque les élus de l'opposition, mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Nous ne laisserons pas faire l'augmentation par 10 ou 15 de subventions à certaines associations sans aucune justification. Non, nous ne laisserons pas faire la baisse de subventions à des associations, comme ça a été annoncé ici, de compagnies culturelles, de subventions de clubs sportifs, pour en augmenter d'autres brutalement. Non, nous ne laisserons pas faire une élue qui dit qu'elle seule décide avec le maire. Sur ce chapitre, pas de doute, nous serons vigilants, exigeants et nous jouerons tout notre rôle. Je souhaite aussi évoquer la question du personnel communal. Fait important, l'ensemble des organisations syndicales vous ont écrit, monsieur le maire, pour alerter sur le projet du gouvernement de casse de la fonction publique, qui est la doxa de Macron. Réduire les services publics, aggravation de la situation pour les plus faibles. Alors même que le gel de points d'indice depuis des années précarise la situation des fonctionnaires. Dans ce contexte, où je crois qu'on veut saluer l'engagement des services publics dans la période de crise sanitaire, la diminution des revenus et l'augmentation du temps de travail est une vraie provocation. Il faut répondre à cette lettre ouverte, donner la position de la municipalité et ouvrir le dialogue avec les organisations syndicales. Coupé régulièrement. C'est étonnant. Oui, je disais, c'est... Bah si, vous me coupez mon micro, ça fait deux fois, quand même, attendez. Ça fait deux fois, enfin, je suis factuel. Ça fait deux fois que vous me coupez mon micro. Donc je disais, dans un moment particulier où l'argent public se fait rare du fait de la politique du gouvernement, je ne referai pas toute la démonstration, mais je crois que ces coupes dans ces fonds publics, pour les collectivités, pour les habitants, c'est un véritable drame. Parce que, en l'occurrence, comme on le dit habituellement, l'argent, ben, y en a des bénéfices, et pour les préserver, les amplifier, on licencie, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un précédent conseil municipal, en parlant d'Auchan. Pendant la crise, le cadeau aux salariés, c'est le licenciement, le cadeau de la municipalité aux habitants des Malassis et des autres quartiers, c'est la casse de leur cadre de vie. Donc on va mobiliser de l'argent public pour casser de bons logements où les gens vivent bien, alors qu'on pourrait mobiliser ces logements comme promis pour les réhabiliter, cet argent, pardon, comme promis pour réhabiliter là où les gens vivent plus mal, comme par exemple, justement, au 18 Pierre Curie, où effectivement, il y a des gens qui vivent pas toujours très bien. Et c'est là-dessus que vous vous étiez engagé. Dans un moment encore où nous avons 3 000 demandeurs de logement, dans notre ville, qui subissent une situation insupportable. Et je crois que cette histoire de démolition est à l'image de ce mandat qui commence, des engagements trahis, des incertitudes lourdes concernant la possibilité de financer vos projets, un manque de combativité sur un grand nombre de sujets. C'est ce que ne manquera pas de dire votre budget que vous nous présenterez prochainement, et nous ne manquerons pas de dire que notre ville, ses habitants, méritent un autre avenir. Je vous remercie. Juste, j'ai Olivier Taravella et Jean-Claude Oliva d'inscrits. Je me permettrai juste une petite remarque, monsieur Jamais, parce que je m'étais permis de taquiner monsieur Vionnet sur le sujet. C'est-à-dire que, d'un côté, monsieur Vionnet nous dit « Quand est-ce que vous passez aux 1607 heures à Bagnolet ?» Et là, vous venez de nous dire le contraire, puisque vous me demandez de répondre à la lettre ouverte des syndicats qui, justement, demandent à ce qu'on ne le fasse pas. Mais ça, on vous laissera régler ça entre vous. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Bon, j'ai pris beaucoup de notes, du coup, hein, forcément, mais je vais essayer de ne pas faire trop long. Sur la stratégie globale financière, je l'ai déjà décrite à la fois en commission l'autre jour, et puis je pense depuis un certain temps déjà, je ne vais pas y revenir, sur l'AMO Hôtel de Ville. Pourquoi maintenant ? Parce que, et comme on le dit d'ailleurs depuis 2015, la rénovation, réhabilitation de l'Hôtel de Ville ne pourrait se faire qu'une fois que les travaux de la place sont terminés, notamment parce que les travaux ont nécessité des interventions en sous-sol assez importantes, notamment la création d'un bassin de rétention en amont du bâtiment. Et donc c'est une fois évidemment que tous ces travaux sont terminés que l'on peut passer au bâtiment lui-même. Donc le calendrier de réalisation des travaux est parfaitement cohérent au regard de ce qu'on annonce depuis 2015. Donc c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Sur les heures supplémentaires, vous avez évoqué donc 380 000 heures supplémentaires. Je rappelle qu'en 2014, on était à 600 000 heures supplémentaires. Donc il y a quand même une diminution très substantielle du nombre d'heures supplémentaires. On était même descendu sous les 300 000 heures supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on est légèrement remonté ? Parce que on a ouvert le service de propreté urbaine le week-end, ce qui n'était pas le cas avant. On a renforcé le nettoyage de l'espace public le week-end. Et que dans l'attente de renégociations justement sur le cadre d'emploi des agences, qui vont être une partie des discussions qu'a évoquées M. le maire sur les 6 mois qui viennent, nous sommes évidemment basculés sur des heures supplémentaires puisqu'il faudrait retravailler la fiche de poste des agents. Donc il y a une logique, mais c'est évidemment une phase qui est une phase transitoire. Sur les contentieux, je pense que vous avez confondu les contentieux et les provisions. Ce sont le montant des provisions que vous avez soulevé, non celui des contentieux. Évidemment, les provisions, elles sont en fonction des risques qui sont avérés ou qui sont attendus, et qui sont par nature pas toujours le fait de la collectivité. Lorsque vous voyez qu'un risque arrive, vous avez la responsabilité de provisionner. Et vous-même qui nous faites la critique parfois qu'on ne provisionne pas assez en regard de certaines choses, c'est un peu curieux maintenant de nous considérer que ces provisions sont excessives. Sur l'épargne brute, je rappelle quand même que la dotation forfaitaire de la ville a diminué de 4,2 millions d'euros depuis 2013, que ça n'a rien à voir avec nos choix politiques locaux. Nous avons d'ailleurs voté tous les vœux que M. Jamais avait proposés pour critiquer la baisse de dotation de l'État durant le mandat précédent, parce que nous partageons pleinement ce qui était dit. Donc de ce point de vue-là, on a toujours été extrêmement, extrêmement alignés. Le Covid, c'est quand même 2 millions d'euros. Donc oui, 2 millions d'euros à l'échelle du budget de la ville de Bagnolet, ça a un effet quand même non neutre sur la situation financière de la ville. Sur le plan de relance, je rappelle que le document qui est présenté aujourd'hui, c'est un rapport d'orientation budgétaire, ce n'est pas le budget. Donc il ne fait pas apparaître des lignes avec des dépenses et des recettes associées. Je rappelle aussi que, évidemment, avant de demander certains financements, il y a des arbitrages à faire. Une fois que ces dépenses d'investissement sont arbitrées, elles nécessitent la montée de dossiers en vue de récupérer des cofinancements. Certains de ces dossiers ont déjà été mis en œuvre. On aura, comme les années précédentes, des subventions certainement au titre de la DPV, de la TSIL et des autres programmes, y compris les programmes du plan de relance. D'ailleurs, nous rencontrons la sous-préfète à la relance la semaine prochaine, donc on est pleinement intégré dans ce dispositif. Sur la question de la conception-réalisation, nous avons privilégié le marché global de performance, notamment à l'expérience de ce que nous avions constaté sur le mandat précédent celui donc de 2014, qui était les difficultés rencontrées, pour être gentil, sur l'hôtel de ville et l'école Joliot-Curie. L'avantage du marché global de performance, c'est qu'il fait peser sur le groupement d'entreprise le risque du décalage financier dès lors qu'il n'est pas la conséquence d'une décision de la collectivité de modifier la programmation. C'était donc une mesure protectrice pour la collectivité, tant sur les délais que sur les surcoûts. C'est donc un choix qui était pertinent et qui était pleinement adapté en plus à l'historique que nous avons connu à Bagnolet sur des grandes opérations d'aménagement. Sur le PUP, le maire vous a répondu, il n'y a effectivement pas de possibilité d'additionner les deux, et la taxe d'aménagement à Bagnolet rapporte beaucoup plus d'argent qu'un PUP. Et dans PUP, il y a partenariat, ce qui implique donc un accord des deux parties, alors que dans taxe d'aménagement, il y a taxe, et l'avantage de la taxe, c'est que c'est comme la mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Sur les écoles, c'était pour ceux qui ont reconnu Oscar Wilde, sur les écoles, je rappelle que dans le mandat précédent, nous avons refait la tête intégralité de la toiture de l'école Jean Jaurès, donc il y a quand même eu des interventions lourdes sur le bâti scolaire. Il y a également eu la construction de l'école temporaire Langevin, qui a représenté quand même un investissement de 4,5 millions d'euros, en plus du volume d'investissement de près d'un million d'euros chaque année réalisé sur le patrimoine scolaire. Et il y aurait eu évidemment également l'école Pêche d'Or, sans les différents éléments que vous connaissez et que je ne vais pas redire maintenant. Je pense que chacun est très au fait du dossier. Sur le 115 Robespierre, je rappelle que ce sont des terres traitées qui sont des déblais du Grand Paris, et donc ce sont pas, c'est pas une injection de béton dans le sol, c'est des terres qui étaient déjà dans le sol qui ont été donc retirées dans le cadre des travaux pour le Grand Paris Express et qui sont remises dans le sol après un traitement qui s'assure qu'il n'y ait pas évidemment de transfert de pollution ou d'autres problématiques pour la qualité du sol. Sur les emprunts, vous avez parlé d'emprunts exotiques. Je ne crois pas que des emprunts obligataires, qui est le niveau d'emprunt certainement le plus sûr et le moins sexy qui existe, vous avez parlé d'emprunts exotiques pour le mandat précédent. Les emprunts Schuldschein sont certes des emprunts inhabituels dans le contexte français, mais ça reste des emprunts obligataires, qui est vraiment le niveau d'emprunt le plus sécurisé qui existe. En plus, nous avions obtenu que la convention se fasse en droit français et non en droit allemand, ce qui permet quand même de sécuriser la collectivité dans le cadre de contentieux éventuels. Donc là-dessus, je ne peux pas dire autre chose que la seule chose que nous avons fait dans le mandat précédent, c'est des emprunts obligataires et des emprunts à taux fixe. Emprunts à taux fixe qui n'ont pas forcément toujours la bonne idée, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des emprunts qui sont à Livret A plus Eonia, en fait, vous êtes à 0,44%. Donc on ne peut pas dire que ce soit particulièrement... Ça, vous le savez très bien. Enfin, sur l'ANRU, nous l'avons dit, le maire l'a dit, une majorité des habitants de ces immeubles sont favorables au projet. Une très large majorité des habitants du 18, très large majorité. C'est plus compliqué, effectivement, sur 41... 30... Ah, j'en connais au moins 4. Oui. Alors, je sais qu'il y a une pétition qui a circulé, mais... J'en connais au moins 4 qui m'ont sollicité directement, si vous me permettez. Mais c'est... Oui. Et on l'a dit, de manière assez claire. Ah, écoutez, vraiment, croyez-moi, et des gens qui ont signé votre pétition, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a une vraie inquiétude sur ce bâtiment, c'est vrai. Après, bon, comme vous invitez des gens du 33 ou du 67 quand vous faites des réunions avec la CNL, forcément, vous n'avez pas forcément toujours ceux du 18 ou du 41. On avait 41, 43, 45, enfin. Et les gens du 18 n'étaient pas invités, deux personnes qui sont présentées. Et je vous assure que... Je vous assure que les trois immeubles que je viens de vous citer, et les locataires s'adresseront à vous, ils ne manqueront pas de le faire, vous diront combien ils sont opposés. Mais je crois que vous feriez bien de reculer sur ce dossier, et je crois que vous grandiriez, parce que ce n'est pas la première fois que dans cette ville, il y a des projets de destruction, et je crois que ça a été bien. Ça a été bien passé pour le savoir. Exactement. Mais justement, de là où je vous parle, je vous dis que c'est plutôt une bonne idée de ne pas aller contre l'avis des locataires, surtout des gens qui vivent plutôt bien. Olivier, pardon, t'as coupé. Je crois que j'avais à peu près couvert tous les sujets que vous avez soulevés, et j'apparais simplement sur... donc, encore une fois, les éléments budgétaires vous seront présentés. Je laisserai évidemment plutôt Jean-Claude de détailler tout ce qui est fait en matière de transition écologique. Mais il y a une substantielle augmentation des moyens dévolus... À ce périmètre, que ce soit sur la déminéralisation d'espaces publics, sur le verdissement, la plantation d'arbres ou les opérations de valorisation des espaces verts, mais je vais le laisser la primeur de ces éléments-là. Jean-Claude Oliva. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Vionnet évoquait tout à l'heure notre premier budget. En fait, c'est vrai que la situation actuelle, ce n'est pas le premier budget dont on aurait rêvé, tout simplement parce qu'il y a la crise sanitaire. Et je crois que quand on discute, il faut à aucun moment qu'on oublie ça, quoi. Ça pèse lourdement, on le reconnaît, enfin on le reconnaît, on l'explique, on n'arrête pas de l'expliquer. D'un côté, on a des recettes qui sont réduites. On a par exemple la taxe de séjour qui est en train de devenir inexistante. On a des dépenses supplémentaires, là, les masques que nous portons les uns et les autres. Bon, tout ça, ça pèse et bien entendu, on est dans cette situation-là, donc ce n'est pas le premier budget rêvé. Ceci dit, pour autant, on ne met pas en pause nos orientations et nos projets. Bien au contraire. Et moi, je trouve qu'effectivement, alors Olivier me sollicitait, mais la transition écologique, elle est engagée et elle se voit dans ce budget. Premier, même si je sais que ça va sans doute vous déplaire, au risque de vous déplaire, le square Jules Ferry, la rénovation du square Jules Ferry, on est en train d'engager quelque chose qui est, je dirais, attendu depuis des années. Il y a eu ces dernières années, voilà, c'est-à-dire la vie ne commence pas ni le 1er mars 2021, ni le 1er mars 2020. Il y a eu ces dernières années de nombreuses réunions avec les habitants au sujet du square Jules Ferry, qui était quasiment à l'abandon auparavant, des réunions publiques, des conseils de quartier, une réunion au centre social des Coutures en 2018. Et de tout ça a émergé non seulement l'idée qu'il fallait rénover ce square, mais le remettre en état, mais plusieurs demandes nouvelles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un jardin partagé, un verger, une aire expérimentale de compostage, des jeux pour filles et garçons, des genrés, si vous permettez le jargon. Voilà, tout ça, ça me semble avoir un petit peu quelque chose, avoir à faire un petit peu quelque chose avec la transition écologique. Donc avant de procéder à ces aménagements proprement dits, il a fallu effectivement ces jours-ci procéder à quelques abattages et élagages qui sont motivés essentiellement pour des raisons sanitaires et de sécurité. Et après cette phase-là qui est intervenue, alors si vous voulez avoir plus de précisions sur ces abattages et sur ces élagages, toutes les informations sont possibles, sont sur le site de la ville. Ça concerne quand même, voilà, pour qu'on sache de quoi on parle, ça concerne 7 arbres sur 84, qui est dispersé dans un espace de 2 700 m². Donc, après cette phase, il va y avoir de nouvelles réunions de concertation tout au long du mois d'avril, auxquelles je vous invite vivement à participer, parce que c'est là qu'on va se décider sur les usages finaux avec les habitants de ce square. Bien entendu, notre orientation générale, c'est que ce square reste ou redevienne un îlot de fraîcheur et de biodiversité dans un quartier qui est très minéralisé. Et donc le square ne sera ni rogné, ni imperméabilisé, ni bétonné. Donc voilà, on va au contraire, on a fait là les travaux qui ont été entrepris, c'est des travaux d'entretien, de préservation, d'amélioration de sa qualité écologique. Écoutez, Jean-Claude Oliva, tout seul, si vous le permettez. Après, vous dites qu'on vous interrompt. Vous interviendrez donc, après. Jean-Claude Oliva, voilà. Tout seul, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la municipalité partage bien sûr la préoccupation des habitants pour les arbres, qui sont indispensables pour le climat, en ville en particulier. Nous souhaitons prendre soin d'eux. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette année, nous élaborons, tout au long de l'année 2021, une charte de l'arbre. Et dans ce cadre, nous avons aussi réfléchi, nous avons commencé à réfléchir à l'élagage. Qu'est-ce que ça veut dire l'élagage ? Ça fait, pour nous, l'élagage, ça fait partie de l'entretien des arbres. C'est pas l'élagage, c'est pas massacrer les arbres. L'objectif, c'est d'entretenir nos arbres pour leur permettre de vivre longtemps et en bon état en milieu urbain. Et donc la note que nous avons adoptée au bureau municipal et qui sera publiée bientôt précise tout ça. Et une des conséquences aussi de cette charte de l'arbre, c'est qu'on se contraint nous-mêmes, on s'engage nous-mêmes à respecter les périodes de nidification et par exemple à ne procéder à aucun abattage ou à aucun élagage sur le territoire de Bagnolet du 15 mars au 15 juillet, d'où peut-être la petite impression de précipitation qu'ont pu avoir les uns ou les autres, parce qu'effectivement, on voulait lancer le chantier et ça devait se faire avant le 15 mars. Donc voilà, en parallèle de ça, je dirais le square Ferry, la question de l'élagage des arbres, la nouvelle politique de l'élagage des arbres, on est en train de planter des arbres. Alors peut-être vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux, mais avec ma voisine, sous l'impulsion de ma voisine, Valérie Bille, il y a 30 arbres fruitiers qui ont été plantés ces deux derniers jours à Bagnolet, dans différents sites. Lycée, école, jardin partagé. Donc voilà, ça c'est aussi notre politique, alors qui est peut-être moins visible, mais qui a commencé. Bien entendu, toujours dans la transition écologique, c'est la reconstruction de l'école Pêche d'Or, effectivement, parce que pour moi, c'est un projet qui a une qualité écologique inédite dans cette ville. Voilà, dans cette ville où la plupart des bâtiments dont nous héritons sont des passoires énergétiques, on va avoir une première école qui a une toiture végétalisée. Et alors, ça serait un scandale écologique, ça, d'avoir une toiture végétalisée ? Ça sera l'école la mieux isolée de la ville et ça aura une incidence sur la consommation d'énergie. Et contrairement à ce que j'ai lu, mais on en reparlera tout à l'heure à propos de votre vœu, c'est pas une toiture végétalisée à la place d'un jardin et avec une cour minéralisée. La cour ne sera pas minéralisée. La cour, elle sera aussi végétalisée. Il y aura une cour végétalisée et une toiture végétalisée. Et donc, j'en viens à une autre de nos orientations, effectivement, que nous commençons cette année, alors, je dirais d'une façon expérimentale, c'est la débitumation, je ne sais jamais comment dire le mot, enfin bref, la déminéralisation des cours d'école. Voilà, donc on va faire une démarche expérimentale dans une école cette année, et puis on va la généraliser dans les prochaines années. Toujours, effectivement, donc j'essaye d'avancer peut-être un peu plus vite, la reprise du chantier du 115 rue Robespierre. Donc il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites. Effectivement, il a été interrompu avec l'État qui a déclaré le site inconstructible et donc qui a rendu les précédents projets caducs. Donc aujourd'hui, première phase, c'est le comblement, la sécurisation du site. On réfléchit pour la fin de l'année à une sécurisation de la partie arrière du site où il y a les jardins et donc à une rouverture, et on étudie la possibilité d'une réouverture partielle de ces jardins. Et à plus long terme, on va étudier également l'état des bâtiments, les mesures de sauvegarde à prendre dans la perspective d'un futur usage pour le quartier au-delà, associatif et aussi dans le sens de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc avec ma collègue Xiongji. Donc voilà, vous voyez, c'est, les choses commencent, elles se mettent en place, elles démarrent, et donc voilà. Je citerai aussi le passage des Lauriettes, parce que c'est un beau projet. Moi, je l'ai vu. Alors là, on en parle simplement. C'est vrai que des fois, la discussion budgétaire est un peu aride. C'est un vrai projet de végétalisation qui donne aussi une place à l'eau dans la ville, donc avec des noues, c'est-à-dire un dispositif qui permet de récupérer l'eau de pluie, de la laisser s'infiltrer et de la faire s'évaporer. Donc voilà, qualitativement, il est en train, quantitativement aussi, il est en train de se passer des choses dont vous devriez prendre la mesure. Toujours sous ce grand chapeau de la transition écologique, il y a ce qui se passe autour du vélo. Je trouve que ça suscite de l'intérêt, de l'engouement à Bagnolet comme ailleurs. Il y a un comité vélo qui se met en place, il y a des gens qui travaillent, plusieurs associations, des citoyens, les services, il y a un plan vélo qui se discute, il y a des mesures qui vont en sortir et dont nous rediscuterons et qui seront adoptées, j'espère, par le conseil municipal. Une petite digression sur Reste Ensemble, parce que c'est quand même dans notre programme, la régie publique territoriale de l'eau. Vous savez, on nous expliquait il y a encore quelques mois que ça allait être très compliqué parce qu'on n'aurait pas d'argent, justement, pour le démarrage, qu'il fallait faire un emprunt pour une dotation initiale de fonctionnement pour la régie, et donc que, vu la situation d'Est Ensemble, ça allait être très compliqué. Or, qu'est-ce qui se passe? On a fait un pas. On n'est pas arrivé au bout, mais on a fait un pas. C'est-à-dire qu'Est Ensemble est devenue autorité organisatrice et exerce d'une façon effective la compétence de l'eau depuis le 1er janvier. Et donc, l'argent que Veolia, de notre facture que Veolia donnait jusqu'à présent au CEDIF, il nous le donne à nous, à Est Ensemble. C'est des sommes qui sont quand même assez considérables. Hein. C'est de l'ordre de 900 000 euros par mois. Donc là, en fait, avec cet argent, donc on en reversera une petite partie au CEDIF pour contribuer, je dirais, aux investissements de production de l'eau potable du CEDIF, hein, bien sûr. On ne versera pas la somme qu'il nous demande parce que c'est beaucoup trop et donc c'est l'objet actuellement de négociations. Mais voilà, on va se retrouver avec une somme importante qui nous permettra de faire démarrer cette régie et qui résoudra ce problème qui apparaissait encore irrésoluble il y a quelques mois. Et donc j'espère qu'avec cette bonne nouvelle et puis d'autres, on pourra tous ensemble arriver au niveau du conseil de territoire à faire le choix de la régie publique territoriale, comme on le promeut à Bagnolet, je crois, tous depuis longtemps. Juste quand même, pour terminer, une petite réflexion sur les écoles. Parce que j'entendais tout à l'heure M. Vionnet dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait sur les écoles, etc. etc. Je rappelle quand même qu'on a eu le problème de l'école Langevin. Enfin, la municipalité précédente a eu le problème de l'école Langevin. Donc avec des frais importants pour construire une école provisoire. Et ça, ce n'est pas un problème de court terme, ce n'est pas un problème du dernier mandat, c'est un problème qui date du début des années 2000. L'état de l'école Langevin était visiblement catastrophique de l'avis des parents, de l'avis de la directrice de cette école à l'époque, Marie-Christine Lacazette, qui se battait pour que ça soit pris en compte, pour que la municipalité dont elle faisait partie à l'époque investisse. Non, ça pas, il n'y a pas eu d'investissement. Et donc voilà, le problème à Bagnolet, c'est qu'il y a des dettes, vous insistiez sur les dettes, mais il y a aussi un héritage. Il y a des dettes, je dirais, en nature. La situation des écoles dont nous héritons, des écoles passoires, des écoles en mauvais état, ça fait partie d'une autre forme de dette qu'il y a dans cette ville. Je pense Merci. Je serai brève pour que Claire Laurence puisse prendre la parole également. Là, on vient d'être témoin d'un exercice qui porte un nom. Ça s'appelle, c'est un mot anglais, pardonnez-moi, ça s'appelle le greenwashing. C'est un exercice très pratiqué en politique aujourd'hui et qui consiste à mettre de la terminologie et du vocabulaire écologique à longueur de déclaration et dans les faits faire rien ou pire, faire des choses qui vont à l'encontre des objectifs de préservation de l'environnement. Alors, le cas dont vient de parler Jean-Claude Oliva du square Jules Ferry est vraiment tout à fait révélateur de ça. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que la précipitation de la mairie à vouloir aménager de façon très unilatérale et soudaine le square Jules Ferry, d'après ce qui avait été dit la veille aux habitants des Coutures qui étaient attachés au jardin partagé de la rue Victor Hugo, c'est que justement ce lieu, le square Ferry, allait, par le fait d'avoir, paraît-il, dans le projet un petit morceau dédié à un jardin partagé, allait pouvoir compenser la disparition du jardin partagé de la rue Victor Hugo aux Coutures. Alors, ce jardin partagé de la rue Victor Hugo, c'est un jardin qui a reçu la visite de pas mal de candidates et de candidats qui étaient candidats aux élections municipales. Donc la liste du Parti Socialiste, soutenue par Écolo Solidaire, sans doute aussi peut-être, je ne sais pas, la liste du BEC. Et ce qui a été dit aux habitants et aux personnes qui animaient ce jardin partagé, c'est que dans le cadre du projet immobilier qui était financé, qui était mis en œuvre déjà depuis plusieurs années sur cet emplacement, il y aurait promis, juré, un jardin partagé. Alors, il se trouve que le permis de construire pour ce nouvel aménagement va être déposé, l'a-t-on appris avant-hier, de la bouche de monsieur le maire, dans les jours qui viennent. Et il se trouve qu'en fait, cet aménagement immobilier ne contient pas de jardin partagé. Voyez-vous, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a au milieu quelques arbres, voilà, des bancs, pour les habitants de la résidence, donc dans un lieu clos, dans un lieu fermé. Alors, une partie des aménagements paysagers sont sur dalle, donc prohibent absolument le fait d'avoir des grands arbres. Et en tout état de cause, ce qui a été très fort bien expliqué d'ailleurs par l'architecte, il y a une difficulté d'ombre. Il ne faudrait pas que des arbres qui poussent trop haut amènent de l'ombre sur les balcons et les fenêtres qui sont à l'intérieur de la cour de la résidence. Donc il n'est pas prévu d'avoir des grands arbres, il n'est pas prévu d'avoir sur cet emplacement-là de la végétation et de la biodiversité susceptible, par exemple, de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur qu'on connaît tous et qu'on a tous dénoncé pendant la campagne. Alors, pour certaines et certains qui ont été curieux et qui sont allés voir les dessins des architectes à propos de ce projet immobilier, on a tous pu constater que les toits sont tout verts. Hein, tout vert, pardon. Donc tout, voilà. Et quelqu'un a même dit sur Facebook, on pourra peut-être jouer au golf sur ces toits. Bon. Mais ce qu'il faut savoir avec ces petites peintures vertes que l'on voit souvent dans les projets, dans les dessins d'architectes, c'est qu'ils permettent effectivement aux politiques de dire aux habitants et aux voisins, mais non, la bétonisation et la suppression d'espaces verts, en l'occurrence un espace vert public et partagé, ne va pas générer plus de densification, de plus de chaleur, etc., puisqu'il y a ces toits végétalisés. Alors, on a eu un cas d'école, le cas d'école de la ZAC Benoît-Hur, puisque la ZAC Benoît-Hur, ici, allée Simone Veil, allée Rosa Parks, au départ, il y avait des toits végétalisés. Il y a même, enfin des toits végétalisés, attention, hein, on parle de petits gazons de 2 cm sur un substrat, c'est de 2 cm, c'est vraiment quelque chose de très, très basique. Hein. Ça n'a pas d'effet sur, ça n'a même pas, je veux dire, c'est même pas, ils prétendent même pas que ça a un effet sur la chaleur. Hein. Mais on va dire qu'il s'est vendu comme une espèce de verdure. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici à la ZAC Benoît-Hur? Il s'est passé que l'aménageur, à un moment donné, a dit « Mais en fait, on a oublié dans nos dessins de mettre la ventilation, la VMC. » Et donc, en fait, on a besoin de remplacer ces toits végétalisés par des sorties de ventilation. Et donc, alors même qu'ils avaient déjà vendu certains appartements avec cette configuration-là, avec des gens qui devaient avoir des terrasses avec vue sur toit végétalisé, eh bien, l'aménageur est venu voir M. le maire, qui a autorisé la modification des plans et qui a autorisé le fait qu'il n'y a plus de toit végétalisé. Donc là, on est sur greenwashing, greenwashing. Enfin, en permanence, vous avez une parole politique qui essaye de vous, voilà, vous faire passer des vessies pour des lanternes, vous faire passer la destruction d'un arbre pour, en fait, la protection de l'environnement. Voilà, c'est ça, on en arrive à de telles absurdités, c'est-à-dire que là, vous enlevez littéralement le jardin partagé des coutures pour dire, et vous dites, on le remplace par le square Jules Ferry, alors que le square Jules Ferry, il y a déjà des arbres, en fait. Hein, donc, il ne s'agit pas de créer ou de prendre sur l'emprise de béton pour mettre du vert. Il y a déjà du vert et des plantations square Jules Ferry. Mais il a été, paraît-il, urgentissime, du jour au lendemain, de prendre la décision de supprimer, massacrer à la tronçonneuse cet arbre. Et alors, évidemment, comme personne ne veut trop assumer ce genre de mesures drastiques et qui sont totalement contraires à tous les engagements politiques qui ont été pris, on nous a dit « Ah, mais il y a une étude phytosanitaire ». Étude phytosanitaire. Alors, j'invite tout le monde à aller sur le site de la ville. Aujourd'hui, ce que vous avez sur le site de la ville n'est pas une étude phytosanitaire. Une étude phytosanitaire, ce sont des experts de ce métier-là qui font une étude, on va dire, comme un médecin sur un arbre et qui vont dire « il y a telle maladie, on peut la soigner avec tel médicament, etc. » Là, ce que vous avez, c'est une entreprise, ce sont des aménageurs, de paysagers, qui ont par ailleurs visiblement déjà l'objectif final d'aménagement, puisque dans le devis, parce que ce que vous avez mis en ligne, c'est en fait un devis, dans le devis qu'ils ont réalisé, en fait, ils sont déjà au courant de ce qu'il va y avoir là. Et d'ailleurs, M. le maire, ça n'est pas caché, puisque vous dites, Jean-Claude Oliva, qu'il va y avoir de la concertation, mais le maire a déjà dit qu'il allait avoir un city park, qu'il allait avoir... Absolument, tout à fait. Ah oui, merci. Comme pendant la campagne, alors que vous saviez pertinemment. C'est sympa, ça, ce truc de couper le micro à l'opposition. Hein, c'est la machine, là, pour... c'est étrange. C'est re-arrêté. Bon. Justement, je parlais de déni de démocratie. C'est involontaire, me dit monsieur le maire. Bon. Ça passe pour cette fois. J'annonce le prochain greenwashing que vous allez faire. Ah oui, c'est ça, c'est quand vous nous faites des petites interruptions, en fait, vous nous coupez et du coup... Si on... Ouais, c'est ça. Là, voilà. Donc, évitez de nous interrompre, pardon. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, je vous annonce que le prochain greenwashing est le suivant. Alors que vous saviez pertinemment que l'ANRU vous demandait de détruire les immeubles au 41, 43, 45 rue Pierre et Marie Curie, vous le saviez pertinemment au moment de la campagne, vous ne l'avez pas dit aux habitants. D'ailleurs, l'ANRU, comme tout le monde le sait, conditionne ses aides à un certain nombre de critères, dont numéro un, la destruction immobilière. Et vous savez très bien que dans les communes où il y a eu des refus de destruction, il y a eu du coup, refus de financement de la part de l'ANRU. Hein, quand l'ANRU a voulu détruire la maladrerie à Aubervilliers, un lieu magnifique où précisément il y a des terrasses jardins, où précisément on peut mettre des arbres dans un endroit de cité, quartier populaire, et ben, quand à Aubervilliers, la maire d'Aubervilliers a refusé cela, l'ANRU n'a pas donné l'argent. Vous le saviez très bien, dans les critères, il y a résidentialisation, percée des voies de route, etc. Et vous allez dire quoi aux gens? Vous allez dire, ah, mais c'est parce que c'est pour l'environnement, parce que du coup, comme on détruit les immeubles, on va pouvoir voir le parc derrière. Mais oui, parce que le problème des gens au Malassis aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils n'ont pas assez une belle vue sur Paris, ils n'ont pas assez une belle vue sur leur parc, et il leur faut absolument voir le parc derrière. Et tout ça, vous le saviez pendant la campagne, vous ne l'avez pas dit. Donc, nous, comme groupe d'opposition, aujourd'hui, on va être aux côtés des habitants pour refuser la destruction du 41, 43, 45 rue Pierre et Marie Curie, pour refuser et dénoncer le massacre à la tronçonneuse que vous faites. Et on reviendra tout à l'heure sur la question gravissime du cèdre, du grand cèdre de la rue Sadi Carnot, dont vous saviez pertinemment qu'il n'apparaissait pas dans les nouveaux plans de construction et que vous faites aujourd'hui semblant que c'est de la faute à Paris Habitat, alors que c'est vous qui êtes responsable du fait de ne pas avoir protégé cet arbre remarquable de Bagnolet. Donc vous êtes des massacreurs à la tronçonneuse des arbres de cette ville, qui sont d'ailleurs en nombre insuffisant, et c'est pas la greenwashing, et vous pouvez venir avec tous vos rouleaux de peinture verte, ça n'y changera strictement rien. Donc, juste un mot avant de donner la parole à Édouard Denoël. Vous entendre parler de greenwashing, Madame Garrido, c'est un vrai plaisir. C'est savoureux. Une remarque concernant le Square Ferry. Oui, il y a des orientations qui ont été fixées pour l'aménagement du Square. Verger, City Stade, jardin partagé. Ce sont des engagements de campagne. Ce sont des engagements que nous avons portés. Ce sont des choses qui ont été... Jean-Claude Oliva, vous n'y avez pas prêté attention. Jean-Claude Oliva vous a rappelé qu'il y a eu déjà un certain nombre de réunions dans le quartier en 2018 qui n'avaient pas abouti à l'époque. À l'époque, un certain nombre de vos amis du quartier nous disaient que nous laissions ce square à l'abandon, que c'était un coupe-gorge et que c'était un canipark. Voilà les trois principales critiques de vos amis du quartier concernant notre absence, notre manque de mobilisation, c'est selon, sur ce site. Nous avons pris des engagements et nous avons fixé des objectifs. Et maintenant, effectivement, la concertation va permettre d'affiner tout cela. Mais je ne vois pas où il y a du greenwashing et je ne vois pas où il y a un mensonge. Effectivement, les gens qui ont un jardin rue Victor Hugo pourront, s'ils le souhaitent, obtenir un jardin partagé sur ce site. C'est à définir. Mais il y a aussi d'autres habitants que l'on a rencontrés, nombreux, y compris lorsqu'on a organisé une réunion de quartier avec les élus référents du quartier, Hyssen, Manon, Émilie. Il y a un certain nombre d'habitants qui ont émis le souhait, des usagers du jardin partagé Victor Hugo, qui ont émis le souhait d'aller au jardin partagé qui va revenir autour du chêne. Puisque le chêne est préservé rue Étienne Marcel, que l'association qui gérait le site ne souhaite pas revenir puisqu'elle est bien à Montreuil, nous a-t-elle fait savoir. Donc il y a des habitants qui souhaitent y retourner. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est pas du greenwashing, c'est de la réalité. Édouard Denoël. Bon, juste quelques éléments. Moi aussi, ça m'a fait sourire quand je vous ai entendu parler de greenwashing. J'avais l'impression que vous étiez en train de parler de vous. En fait, effectivement, contrairement à vous, on n'est pas en campagne électorale pour l'élection régionale et on ne se vit pas plus écolo qu'on l'est en dernière minute. Je vous ai jamais vu vous intéresser aux arbres. Jamais. Dans les dernières années où vous viviez sur le territoire. Jamais dans la rue Diderot à Bagnolet où, effectivement, il y a une bêtise qui a été faite. Il faut le dire. Jamais à Romainville, à la Corniche des Forts, pas plus que pour les vieux platanes de la place de la Fraternité. Mais là, effectivement, ça s'arrêtait puisque c'était Patrice Bessac. Mais moi, j'ai de saines lectures d'un homme qui a de grandes qualités, Jean-Luc Mélenchon, qui parfois est mal entouré, et qui parle très bien de l'Office national des forêts, et qui met en avant ce grand service public qu'on a en France, cette grande qualité de gestion des forêts françaises. Et donc, quand on va sur le site de l'ONF, ça ne prend pas longtemps avant de trouver des informations très intéressante sur qu'est-ce que sont des coupes sanitaires et comment on fait dans les élagages pour améliorer, préserver la vie des arbres. Effectivement, dans une technique bien connue de réseaux sociaux, se faire envoyer des vidéos du square avec des tronçonneuses qui tournent, ça fait plaisir à personne, c'est pas des images magnifiques. En revanche, quand on prend un tout petit peu de temps pour se pencher sur le fond, tant en termes de date qu'en termes phyto, effectivement, on est loin d'un scandale écologique. Mais puisque vous parlez de greenwashing, je voudrais juste ajouter une dernière chose. L'environnement, ce n'est pas que les arbres. C'est important, c'est essentiel, mais ça n'est pas que ça. On ne vous a jamais entendu vous mobiliser sur le moindre sujet écologique dans la ville. Quand on fait l'alternative végétarienne dans les écoles de Bagnolet, la viande, c'est 18% des gaz à effet de serre dans le monde. Voilà une mesure écologique. Quand on fait, et Jean-Claude en a parlé, la débitumation des cours d'école, on lutte contre les îlots de chaleur, on fait rentrer l'eau dans les terrains, etc., etc. Donc, de grâce, le greenwashing, pour vous, pas pour les autres. Merci. Le greenwashing. Ouais. Claire Laurence. Ouais. Justement, j'aimerais revenir sur le square Jules Ferry parce que je pense que c'est un cas d'école. Et ça peut être utile, vu que maintenant les arbres sont abattus, ça pourrait être utile éventuellement pour la future charte. Le diagnostic phytosanitaire qui est extrêmement succinct, c'est-à-dire qu'un diagnostic phytosanitaire sérieux est beaucoup plus détaillé et il offre des options dans le traitement des arbres. Là, celui que j'ai quand même pris le temps de parcourir et de lire, il est quand même clair, évident, qu'un certain nombre d'abattages d'arbres ne proviennent pas de leur état sanitaire ou des champignons. Non, ils proviennent juste d'un plan d'aménagement qui a été transmis à ce bureau d'études. Et ils adaptent l'abattage des arbres au plan d'aménagement qu'on leur a transmis. Et donc, on est juste en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Si on est écologique, et si, comme tu le dis, Jean-Claude, vous avez envie de prendre soin des arbres dans cette ville, on établit un diagnostic phytosanitaire sérieux, détaillé, avec différentes options de traitement des problèmes phytosanitaires qu'on aura découverts. Et à partir de ce diagnostic, on commence à avoir des critères pour faire un projet. C'est-à-dire que le projet doit s'adapter à cet écrin de biodiversité que représente le parc. En ville, on n'a pas d'arbres, on étouffe. Chaque écrin de biodiversité est extrêmement fragile. On passe devant, on a l'impression que ça n'a pas de valeur, que c'est là, c'est peut-être mal entretenu, etc. Ça a une valeur extraordinaire, même quand c'est un tout petit square comme celui-ci. Et pour tous les arbres qu'il y a dans cette ville et sur cette planète, il faut les regarder comme de vrais patrimoines, il faut en prendre soin en effet, et tous les projets, tous les changements urbains qu'on doit apporter, ils doivent respecter en premier lieu ce diagnostic phytosanitaire et finalement la qualité de chaque arbre sur cette ville, notamment sur ce square. Là, vous avez fait l'inverse. Il y a eu un projet avec un city machin, avec un truc, avec des jeux, avec des super choses. C'est génial. Le projet, il s'est fait en silo. Et après, on fait le diagnostic et puis on adapte le diagnostic en fonction des besoins du projet. Mais ça, c'est vraiment... C'est 20e siècle, en fait. C'est has-been. C'est même pas du greenwashing, c'est totalement has-been. C'est totalement illogique, c'est anti-écologique, enfin, c'est inadmissible. Ça peut paraître être un détail, mais c'est une question de méthode. Et c'est la méthode qui fait qu'à un moment donné, on arrive à un objectif, en fait. Et évidemment, je serai brève, mais la stratégie de financement, puisqu'on parlait du ROB, la stratégie de financement de la transition écologique, évidemment, elle n'apparaît pas, parce que, bien sûr, j'entends... on ne peut pas rêver, ce n'est pas le budget rêvé. Et effectivement, à Bagnolet, vu l'endettement de cette ville, c'est difficile de rêver. Donc ça, OK. Néanmoins, on pourra avoir un ou deux marqueurs forts sur un premier budget prévisionnel de cette mandature. On pourra avoir quelques marqueurs forts qui nous fassent comprendre qu'à un moment donné, cette... Merde. Pardon. Pardon, qui permet effectivement de... Non, mais qui permet effectivement, vu que c'est la première année, de mettre en œuvre cette transition. C'est la plupart des hommes politiques ou des femmes politiques, de la politique en général, ils se cachent derrière le mot transition parce qu'effectivement, ça se passe dans le temps long. Et on se cache derrière ce temps long et on ne fait rien. Et si vous n'instruisez pas aujourd'hui, une marche à suivre sur la transition écologique dans ce budget, que ce soit sur les mobilités douces, que ce soit sur l'énergie, et notamment dans cette ville où il y a des gens qui se pèlent dans leur appartement, ou que ce soit sur la végétalisation, la densification, le développement des espaces verts, etc. S'il n'y a pas des marqueurs forts, mais vraiment où on sait qu'on a une vision de long terme sur le déploiement de ce qui va changer la vie structurellement pour les habitants, mais... On peut parler de transition, hein. On peut parler d'écolo et solidaire et de tout ce que vous voulez, mais on n'y arrivera pas, en fait. Jean-Claude et Valérie. Oui. Un mot au sujet du jardin partagé de la rue Victor Hugo. Parce que j'ai entendu, c'est un scandale, vous supprimez ce jardin, vous le fermez, etc. Alors là j'ai sous les yeux un article du blog Bagnolet en vert, vous connaissez, c'est le blog de Pierre Maton, qui est quand même assez critique des municipalités de Bagnolet dans leur ensemble depuis longtemps. Et donc, sur le jardin éphémère de la rue Victor Hugo, je précise que c'est un article du 30 janvier 2021. Et donc je ne vous lis pas tout l'article, mais notamment, voilà, parce que ça précise vraiment les choses. La création de ce jardin a été initiée par Catherine Denis, Marie-Laure Brossier et Hamoud Zouaghi. L'objectif était limpide, occuper les 1800 mètres carrés de cette parcelle avec un projet bienveillant et convivial, offrir un petit bout de verre aux familles et riverains le temps que les travaux prévus par le PNR CAD démarrent. Voilà, donc l'objectif, je trouve que les choses sont très claires, c'était un projet temporaire, voilà, pour faire, en attendant, comme il y en a beaucoup, je dirais, dans toute l'île de France, en attendant, effectivement, que les constructions du PNR CAD soient faites. Et il me semble d'ailleurs me souvenir, alors vous me démentirez si ma mémoire est défaillante, que y compris que tout le monde, y compris l'opposition de l'époque, y compris Laurent Jamais, avait voté pour le PNR CAD. Donc voilà, je crois qu'il faut un peu de cohérence, un peu de mémoire, et voir aussi de quoi on parle. Effectivement, le PNR CAD, c'est 2009. Valérie Bille. Oui, je vais être très rapide. Je voulais un peu répondre sur le square Ferry. Ça fait plaisir à personne, en fait, de couper des arbres. Ça me semble évident dans la crise actuelle et ce qui se prépare. Maintenant, ce square n'était plus tellement fréquenté. Et les réunions qui ont eu lieu dans les dernières années, c'était avec les habitants qui ont émis le souhait d'y revenir. Quand on se dit qu'effectivement, on pouvait se dire, on peut faire de cet endroit une forêt et qu'on aurait fermé, parce que c'était dangereux, en fait. C'est-à-dire que là, il y a une entrée avec des collégiens, il y a des arbres qui sont avec beaucoup de bois mort. Allez les voir de près, vous verrez qu'il y a des très grands arbres avec des tout petites brindilles au bout. C'est un signe de dépérissement des arbres. Donc, soit on ouvre un square et on permet aux gens de le fréquenter avec une gestion des arbres, effectivement, moi, ça, c'était un crève-cœur. Mais voilà, soit effectivement, on ferme les choses et on fait un espace, un îlot de fraîcheur où personne ne se promène. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais les habitants ont émis le souhait qu'il y ait des activités. Alors, je ne pense pas que ce soit le maire qui souhaite un city machin. Je crois que c'était vraiment les habitants. Hein. Enfin bon, après, on peut relire les comptes rendus des réunions. Voilà. Merci. On a fait le tour. Monsieur Vionnet, une dernière intervention. Oui, très brièvement, parce qu'on était un peu directement interpellés. Sur le PNR4, je pense qu'effectivement, c'est un dispositif que tout le monde partage. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait en termes de contenu de projet. Et effectivement, moi, j'ai eu l'occasion, je ne le redis pas là, mais de m'étonner en réunion publique qu'ils produisaient de l'opération immobilière et assez peu de production de biens communs pour les habitants. Après, sur la question du jardin partagé, Jean-Claude, enfin, je devrais peut-être t'appeler Monsieur Oliva, puisque tu m'appelles maintenant Monsieur Vionnet. Donc, Jean-Claude, personne n'a demandé le maintien intégral. J'étais, comme certains ici, à la réunion publique de l'autre soir, personne n'a demandé le maintien intégral. Par contre, ce qui a été discuté, c'était effectivement le souhait de garder un espace de respiration accessible à tous et pas simplement un jardin privé de résidence. Donc, y compris, moi, j'ai entendu dans les habitants aucune prise de parole démagogique en disant « on veut tout garder ». Et puis voilà. Puis je ne reviens pas sur la question des abattages, que ça... Franchement, je suis un peu triste pour toi que tu doives à ce point-là défendre l'indéfendable. Et ce qui a été demandé là aussi par les habitants, et notamment par notre amie Nana Carbunaire, c'était simplement de la transparence. C'était simplement qu'il puisse y avoir un partage de l'analyse de l'état phytosanitaire de ces arbres. Et vous avez mis des éléments en ligne le jour où les tronçonneuses arrivent. Vous pouvez peut-être faire un peu mieux en termes, si on est si soucieux d'association des gens. On fera en sorte de s'améliorer. Juste quand même une précision, parce que vous déformez sciemment les choses. Vous parlez d'opérations immobilières à propos du PNR-CAD. Il s'agit de construction, de logements sociaux et d'accession sociale. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas... Non, mais ce n'est pas des promoteurs immobiliers. Non, non, c'est pas. Non, non, mais madame Laurence, je ne vous ai pas interrompu. Renseignez-vous auprès de vos amis qui vous diront qu'à l'époque, c'était COFIM, c'était COGEDIM sur un certain nombre de lots. Sur un certain nombre de lots, c'était des promoteurs immobiliers. Celui-là, c'est Villogia, mais il y en a d'autres. Il y a Robespierre, il y a Ferry, il y a Victor Hugo. Il n'y a pas de promoteurs immobiliers aujourd'hui dans le PNR-CAD. Et là, on lutte. On compare. Non, non, mais je vous ai, Madame Garrido, je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. On vous laisse parler tranquillement. On est là pour résorber de l'habitat indigne. On résorbe de l'habitat indigne. On résorbe de l'habitat indigne. Il n'y a aucune famille habitant dans le logement indigne qui va habiter dans cette promotion immobilière, dans cet aménagement immobilier. Aujourd'hui, la ville, l'État, les bailleurs ont relogé une vingtaine de familles du quartier des Coutures. Alors peut-être que vous. C'est pas votre problème. Mais nous, non, c'est totalement non, démagogique. Non, il n'y a aucune famille qui va être logée à cet endroit. Moi, aucune. je vous dis. Zéro. Mais parce que, Madame Garrido, vous devriez un peu vous renseigner ce que c'est un programme de. Un PNR-CAD. C'est une opération globale. Donc sur arrêtez un quartier, de faire passer. Sur un secteur, avec de l'OPA, avec de la construction, de la démolition. D'accord, vous avez envoyé un tas de familles dans d'autres communes, madame et il y a dans cet immeuble-là, Garrido, dans ces immeubles-là, aucune Garrido, famille qui antérieurement était dans du logement insalubre. Madame Garrido, vous qui êtes experte en logement social, vous devriez savoir ce que ça veut dire reloger une vingtaine de familles. Voilà, on lutte contre l'habitat indigne. C'est ce qu'on fait dans le cadre de ce PNR-CAD. Et c'est effectivement, on essaye de tenir à la fois l'engagement écologique, et effectivement, trouver des espaces, préserver des espaces, c'est pas simple, et avoir un engagement de gauche, puisque vous nous faites systématiquement le procès de ne pas être de gauche, de permettre à des gens qui vivent dans des conditions très dignes, allez-y dans les Coutures, vous devriez y aller plus souvent. C'est bien d'aller dans les lofts, mais allez voir les gens qui vivent dans des caisses à savon ou qui vivent dans des locaux d'activité. Mais on vit pas mal au 41, 43, donc 45 de Pierre Curie. Pourquoi donc allez-y. Donc, je vous assure que le PNR-CAD, ça permet de lutter contre l'habitat indigne et on essaye de préserver le cadre de vie des habitants. Donc je vous propose de voter sur le fait que ce document a bien été présenté. Voilà. Qui est pour ? On acte le fait qu'il a bien été présenté. Mais il faut voter formellement. Je suis désolé. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le document a bien été présenté. La note suivante, c'est la décision au CIGEF de la commune d'Ormesson-sur-Marne. Édouard de Noël. Donc en 3 secondes, on est adhérent de cet EPIC qui s'appelle le CIGIF, Syndicat de gaz et d'électricité. Et à chaque nouvelle adhésion, et c'est le cas là, chaque commune doit délibérer pour accepter formellement l'adhésion. Donc c'est le cas. Est-ce qu'il y a des remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, approbation d'une convention de coopération et de cofinancement sur la mise en œuvre des clauses sociales en Seine-Saint-Denis. Manon. Bonsoir. Donc, il nous est demandé ce soir d'approuver la convention de coopération et cofinancement sur la mise en œuvre des clauses sociales en Seine-Saint-Denis. Cette convention est renouvelée tous les ans. Néanmoins, cette année, le département a mis l'accent sur plusieurs objectifs ayant pour finalité que ces clauses soient un véritable levier permettant de renforcer les politiques menées en matière d'insertion et de formation. Ces objectifs sont donc les suivants. Favoriser les parcours vers l'accès à l'emploi pérenne et la qualification des publics les plus en difficulté, et particulièrement les bénéficiaires du RSA. Soutenir et développer l'activité des SIAE. Suivre les marchés portés par le département. Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la responsabilité sociétale et les inviter à développer les bonnes pratiques en la matière. Tenir un observatoire des clauses sociales sur le territoire. Ces objectifs seront rendus possibles grâce au facilitateur désigné en tant que chargé de mission clause sociale. Son ingénierie permettra à la ville de mener à bien une politique locale en faveur de l'insertion, mais surtout d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers un emploi pérenne. Cette convention octroie une aide financière afin de soutenir ce poste de chargé de mission clause sociale. Cette aide sera versée en 2 temps. 7 000 € dès lors que la prise de poste du facilitateur est avérée, et ensuite une aide modulaire pouvant aller jusqu'à 8 000 € dès lors que les objectifs et moyens ainsi que les modalités d'action énumérées en annexe 1 qui vous a été présentée sont prouvés. Ces objectifs revêtent un aspect non seulement quantitatif, mais surtout qualitatif. D'un point de vue quantitatif, on souhaite que le taux d'insertion soit porté à 10% dès que cela sera pertinent. Pour l'aspect qualitatif, on cherchera à faire en sorte qu'un critère de performance sociale puisse être prévu dans les marchés à chaque fois que cela sera possible. Merci. Merci Manon. Des remarques, des questions ? Madame Garrido. Alors là, on est saisi d'une convention en fait entre le département et nous, parce que le département a l'intention de lui-même engager des conventions avec les grands promoteurs. Là, tout à l'heure, Monsieur le maire, vous disiez que dans les coutures, il ne s'agissait pas de grands promoteurs, mais là, ici, pour ce vœu-ci, on parle bien de tous ceux qui, dans le bâtiment et travaux publics, vont construire dans le cadre des JO, par exemple, ou des projets du Grand Paris. Et donc, l'idée du département, c'est que ces grandes boîtes-là, puisqu'elles vont s'enrichir, puisqu'elles vont pouvoir développer toutes leurs opérations économiques sur notre territoire, s'engagent à embaucher sur ces chantiers un certain nombre de séquano dionysiens pour un pourcentage d'heures travaillées qui pourrait aller jusqu'à 10% des heures de travail concernées par ces chantiers. Alors, évidemment, c'est un peu un piège parce que, en gros, on nous demande d'accepter le principe des JO ou le principe de très grands travaux sous prétexte qu'on doit favoriser l'emploi dans un contexte où, effectivement, on est tous très inquiets du développement du chômage et notamment du chômage de longue durée qui est ciblé spécifiquement par ce type de convention. Alors, à cet instant, je vais faire abstraction du substrat, en fait, de ce qui est écrit en petite clause, on va dire, qui serait l'acceptation de ces grands projets, pour me concentrer sur le mécanisme lui-même de la clause sociale et comment nous, les Bagnoletais, on pourrait, je le souhaite, en bénéficier. Alors, quand on lit le rapport et quand on lit les textes qui nous sont soumis, on voit que là, le département pourrait imposer à ces entreprises des critères de qualitatifs sociaux, c'est-à-dire par exemple en matière de construction, on va dire construire de façon plus écologique par exemple, avec des matériaux qui émettent moins de gaz à effet de serre. Bon. Par exemple, ou avec un minimum de traitement social, par exemple, on pourrait leur demander d'aller au-delà de ce qu'il y a dans le Code du travail en France ou dans les conventions collectives relatives aux bâtiments, aux travaux publics. Bon. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans le texte qui est soumis aujourd'hui à notre discussion. Moi, j'avais posé la question à Manon Chrétien, que je remercie de son rapport et de la présentation. On s'était dit, enfin, vous nous aviez dit que vous essayeriez d'aller un peu à la pêche aux infos. Bon, visiblement, vous n'avez pas pu avoir davantage d'informations. Mais donc, du coup, voilà. Si, là, on a. Bah non, là, il n'y a aucune... En tout cas, je n'ai pas entendu dans votre présentation des critères sociaux et environnementaux précis sur lesquels... J'ai essayé d'être concise, effectivement, de faire un résumé de présentation, puisqu'effectivement, il a déjà été présenté deux fois en commission et puis en bureau municipal. Mais effectivement, sur l'aspect qualitatif, ce n'est pas tant ce que vous venez d'énumérer, mais c'est plus sur le fait, je donne un exemple concret, de dire, voilà, on sait que pas mal de clauses sociales seront dans le secteur du BTP. On va essayer de féminiser un petit peu l'accès à ces clauses sociales en y incluant de nouveaux métiers, de nouvelles possibilités, que ça ne soit plus des confrères brancheurs, des maçons, etc., mais qu'on puisse effectivement donner la possibilité aux femmes d'avoir accès à ce secteur d'activité. C'est ça l'aspect qualitatif. C'est également pouvoir essayer de diversifier. On parle beaucoup de BTP, effectivement, puisque il y a beaucoup de construction en ce moment. Mais ça peut être également les espaces verts. Ça peut être aussi toujours d'un point de vue administratif, donner de nouvelles perspectives pour ainsi pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes éloignées de l'emploi. Ça sera ça le point de vue qualitatif. Alors, je vous remercie de ces précisions, mais je pense qu'il y a peut-être une petite incompréhension entre nous, parce que là, vous semblez vous référer aux objectifs qualitatifs qui vont être mis en œuvre par le facilitateur ou la facilitatrice dont le salaire est financé sur la base de la convention qui nous est soumise aujourd'hui, c'est-à-dire les deux versements de 7 000 euros et, ou 8 000 euros, enfin 7 000 euros dans un premier temps, je crois, et 8 000 euros dans un deuxième temps, et lesquels 8 000 euros du deuxième temps seraient conditionnés, entre guillemets, à des approches qualitatives. Et moi, je parlais de ce que le département va demander à ces grandes boîtes. Bon. Et je regrette que nous n'ayons pas davantage de précisions concrètes et réelles sur ce que le département va demander à ces grandes boîtes. Mais juste, j'essaye de faire vite. Il me semble qu'en ce qui nous concerne les bagnoletais, parce que l'idée, c'est de se faire financer une personne qui va aller recevoir les personnes, les CV, qui va essayer de les placer, en fait, un peu dans, voilà, sur ce type de contrat. Et vous l'aviez dit, ce sont des personnes privées, des chômeurs de longue durée. Alors, vous nous dites, on va chercher, par exemple, des femmes pour faire chaudronnier et tout ça. Bah, formidable, là, moi, je suis tout à fait d'accord sur cet objectif. Mais ce que j'avais demandé en commission, et vraiment, je trouve regrettable qu'on ne soit pas plus précisé, c'est en gros combien de personnes ça va concerner. Parce que comme il s'agit, en fait, des conventions départementales, en réalité, notre facilitatrice, qui, si j'ai bien compris, a déjà été embauchée, ne peut pas prioriser les bagnoletaises et les bagnoletais dans ce genre de poste, dans ce genre de contrat. Et donc, ma question est de savoir si nous, du point de vue de la ville à Bagnolet, est-ce qu'on a des objectifs chiffrés en termes de recrutement ? C'est-à-dire, en gros, combien de bagnoletaises et de bagnoletais vont être concernés par ces embauches ? Parce qu'en définitive, on peut parler en grande masse, on peut dire objectif théorique de 10% d'heures concernées sur un chantier, etc. Mais ce que tout le monde veut savoir à Bagnolet, c'est combien de personnes vont trouver du boulot, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je regrette que nous n'ayons pas davantage d'informations, parce que c'est toujours pareil, pour faire notre travail d'opposition, de contrôle des politiques publiques, ben, il faut savoir quels sont les objectifs pour ensuite savoir s'ils ont été ou non accomplis. Alors, bien sûr, nous voterons pour cette délibération, puisqu'évidemment, sur le principe, on ne peut être que pour ce type de démarche. Ce sont des démarches qui, mine de rien, vont à l'encontre de grands dogmes de l'Union européenne sur la libre concurrence et sur le fait qu'on ne peut absolument pas distorsionner le marché. Donc là, on le distorsionne en riquiqui un tout petit peu, puisqu'on est sur 10% des heures d'un marché. Mais c'est déjà, on va dire, ça de prix, donc on ne va pas s'y opposer. Et nous, ce que nous affirmons, effectivement, c'est la nécessité d'avoir des perspectives chiffrées, ambitieuse, et puis évidemment à terme obtenir que ce soit bien plus que 10% des heures concernées sur des métiers, des chantiers, des services qui sont concernés sur notre territoire, qui soient ensuite entre les mains de travailleurs de Bagnolet. L'idéal de société que nous visons, c'est quand même un idéal où les personnes vivent et travaillent sur Bagnolet, et en tout cas de façon rapprochée. Et ce genre de mécanisme, tel qu'on en discute à l'instant, peut aider à condition d'avoir une très grande ambition. Manon, tu veux redire deux mots ? Oui, juste sur le point quantitatif, effectivement, j'ai bien posé la question au service qui m'explique que ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas des chiffres fixés. Quand on dit effectivement de faire 10% lorsque c'est pertinent, c'est justement la nouveauté par rapport à cette convention 2021 que l'on vote, c'est qu'on veut délaisser un petit peu le fait de dire je vais négocier un marché où on va faire 1000, 1500 heures et on va essayer de placer un maximum de monde. C'est pas ce qu'on veut, puisqu'à l'issue, il n'y avait pas forcément de retour à l'emploi pérenne. Là, ce qu'on veut, c'est faire du qualitatif. C'est dire, je vais placer monsieur un tel sur tel poste et madame un tel sur telle clause, la suivre, faire en sorte qu'il y ait des compétences qui soient identifiées, des objectifs fixés, et ainsi pouvoir assurer à l'issue, en plus, une transition à la fin de la clause sociale pour qu'ils puissent retrouver un emploi pérenne. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on ne parlera que l'objectif des 10% et non pas un chiffre fixé. Non, donc c'est valable pour la ville de Bagnolet, mais également pour les autres villes de Seine-Saint-Denis. Mais vraiment de jouer sur le côté qualitatif, et ça sera vraiment le rôle de la chargée de mission clause sociale. Madame Laurence. Juste sur ce sujet... Étant donné que vous êtes sur le qualitatif, ce qui est une très bonne chose, enfin avec le département, je m'interrogeais sur le rôle de la municipalité pour faire le lien avec la formation, notamment sachant que le lycée ENAF est un lycée professionnel avec des spécialisations sur les constructions, le bâtiment, etc. Et du coup, comment est-ce que les dynamiques locales de notre ville, de notre territoire, sont vraiment prises à partie, et comment vous, votre rôle politique, finalement, c'est de faire converger tout ça quand il y a des opportunités. De quelle manière est-ce que vous travaillez avec ces acteurs locaux qui semblent être quand même directement concernés par le sujet que vous abordez ? Manon. Donc, par rapport au lycée ENAF, entre autres, mais également à tous les centres de formation que nous avons sur le territoire, donc je pense au campus du Fonderie de Limage, je pense aussi à Doranco et d'autres, nous sommes en train de travailler par un véritable partenariat entre la municipalité et ces structures, de façon à ce qu'on puisse même établir des conventions partenariales et ainsi créer des événements réguliers ensemble, qu'on puisse éventuellement voir leurs difficultés peut-être de recrutement, parce que ça arrive, qu'il y ait des formations qui ne soient pas encore complètes, et à contrario qu'on ait un public, nous, qui soit en demande, donc on puisse être vraiment un intermédiaire entre ces structures-là et les demandes qui remontent à la municipalité. Donc c'est un travail qui n'avait pas forcément été fait précédemment, que je suis en train de mener en partenariat notamment avec monsieur Ounissi, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est référent du numérique. Et nous devons rencontrer lundi prochain, d'ailleurs, madame Guébé, qui est directrice du campus Fonderie de Limage. Donc c'est un travail qui est en cours. Et après, ma deuxième question sur ce sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que ce que l'on met en place au niveau du département, est-ce que ça pourrait être mis en place à l'échelle de la ville ? C'est-à-dire que tout ces permis de construire que l'on signe sur cette ville, comment cette dynamique de construction de bâtiments peut-elle être au service de Bagnoletais, et notamment de jeunes Bagnoletais issus du lycée ENAF ou d'autres formations de la ville ? Il pourrait y avoir une clause dans une charte de la construction qui implique que ces jeunes Bagnoletais puissent accéder à des emplois et à des formations via tous ces chantiers qu'il y a dans la ville. Alors, juste pour vous répondre par rapport à ça, il faut savoir qu'on a quand même un service insertion qui est très, très mobilisé, avec des techniciens qui sont vraiment experts par rapport à cette question et qui priorisent toujours lorsqu'ils négocient des marchés. Alors, effectivement, on parle de construction à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, mais il y a également des choses qui se passent sur Bagnolet. On favorise tout d'abord toujours des profils bagnoletais. Les gens ont tendance à toujours faire remonter des demandes d'emploi via la mairie, donc ils sont retournés au service insertion. On prend toujours attache avec ces personnes-là et on les positionne. Après, on ne peut pas non plus écarter les candidatures de villes voisines, de candidats des autres villes, puisque, en sens inverse, lorsque ces autres villes, Romainville, Montreuil, Pantin ou autres, ont des opportunités d'emploi, on peut également nous proposer des profils bagnoletais. Donc effectivement, c'est un travail, comme on vient de l'évoquer précédemment, avec le lycée ENAF notamment, qu'on va mener sur la durée, mais on pourrait effectivement réfléchir à l'issue, au sortir de leurs études, réfléchir à un véritable parcours d'insertion où on pourrait prendre attache avec certaines grosses entreprises pour imaginer des parcours tout à fait. Merci Manon. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Merci. Délibération suivante. Émilie, approbation de l'avenant à la convention de déport et d'emploi des images de vidéoprotection au profit du commissariat des Lilas. Oui, merci. Alors, vous l'aurez vu, il s'agit d'un avenant qui ne concerne que et uniquement le matériel informatique qui est mis à disposition du commissariat des Lilas et qui ne change absolument rien à la convention que nous avons adoptée au conseil municipal du mois de novembre. Donc, je ne rentre pas spécifiquement dans les détails, mais il me semble que c'est 3 ordinateurs portables plutôt que une tablette. Mais vraiment, on ne touche à absolument rien d'autre. Est-ce qu'il y a des remarques ? Madame Garrido. C'est vraiment très technique, c'est un amendement tout à fait qui n'est pas substantiel et qui change fondamentalement rien à la délibération qu'on a adoptée la dernière fois. Nous, on s'était abstenus parce qu'on a exprimé, et je ne reviendrai pas dessus, nos doutes sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Juste, je profite de cette occasion pour une sorte de droit de suite sur un échange qu'on avait eu justement la dernière fois, parce qu'on avait, en tout cas, je me souviens d'avoir tenté de démontrer que la vidéosurveillance sur la place Salvador Allende n'entraînait pas forcément une amélioration sur les inconvénients que vivent les habitants. Et Monsieur le maire, vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de caméra sur la place Salvador Allende. Et en fait, si, puisque je parlais de la caméra qui se situait sur l'école Fromont et qui a été détériorée et qui n'a, à ma connaissance, pas été réparée. Donc, c'est juste, une petite rectification, parce que des fois, au conseil municipal, on a des échanges comme ça, et puis vous dites des choses, et qui s'avèrent, à la vérification, être pas tout à fait exactes. C'est votre vérification qui est complètement inexacte, puisque vous avez dit qu'il y avait une caméra sur la place Salvador Allende. Il n'y en a pas. Mais si vous observez bien, vous verrez qu'il y a des caméras sur le bâtiment du Cinoche. Vous avez joué sur des mots. Je parlais des caméras qui filment la place Salvador Allende. Donc franchement, faut pas. Là, vous avez essayé de balayer du revers de la main mon argument, d'accord, qui était un argument factuel et politique, en essayant de faire croire aux gens qu'il n'y avait pas de caméra sur cette place. Je parle de caméras qui filment cette place et la caméra sur Fromont, qui a été un soir détériorée sciemment par des personnes qui sont montées sur l'école et qui l'ont brisée pour que justement il n'y ait plus de vidéos sur cette place, existait bel et bien. C'est tout. Je trouve pas judicieux de m'avoir contredit la fois dernière, alors que, évidemment, vous aviez des caméras à cet endroit-là. Elle est sur un autre bâtiment communal. Est-ce que vous avez d'autres observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Convention de partenariat avec Paris Habitat concernant la compensation obtenue par la ville à la suite de l'abattage d'un cèdre. Vassindou. Donc, la signature de cette convention avec Paris Habitat viendrait en compensation du cèdre qui a été abattu en juillet 2019, 2020, par le syndic Arnaud. Donc, c'est un projet paysager qui va mettre en valeur 3 sites communaux qui ne sont pas exploités au quartier des Malassis. C'est une superficie totale de 240 m², avec notamment la plantation d'un grand cimier comme le Mélèze. Le coût total, c'est 20 000 euros. Entièrement supporté par Paris Habitat, avec une garantie environnementale de 2 ans pour l'entretien de ces plantations. à travers ce dédommagement, c'est un message aussi qu'on adresse aux promoteurs immobiliers pour leur rappeler l'importance que notre majorité attache donc au patrimoine arboricole de notre ville. Et l'élaboration de la charte de l'arbre qui est en cours va tout à fait dans ce sens-là. Il n'en déplaise donc à certains qui s'évertuent à faire le contraire, pour des raisons politiques et politiciennes évidemment. Et donc les trois sites identifiés sont à l'angle de la rue, des rues Ambroise Croizat et Condorcet, sur 20 mètres carrés, rue Ambroise, angle de la rue d'Estendard et avenue d'Estendard sur 70 mètres carrés, au versus des scènes des cartes, rue Descartes, le plus grand espace de 140 mètres carrés, où seront plantés de millaises. Donc du coup, je reprends là. Donc je disais que la signature de cette convention avec Paris Habitat viendra en compensation du site qui a été abattu en juillet 2020 au 89 rue Sadi Carnot. C'est bon? Vous l'avez entendu? D'accord. Donc c'est un projet paysager qui va mettre en valeur trois sites communaux qui ne sont pas exploités sur une superficie de 240 mètres carrés, avec notamment la plantation d'un grand sujet comme le millaise. Le coût de 20 000 euros est entièrement supporté par Paris Habitat, avec une garantie réglementaire de 2 ans pour l'entretien des plantations. Je disais qu'au-delà de ce dédommagement, c'est un message qu'on adresse aux promoteurs immobiliers pour leur rappeler l'importance qu'on attache donc au patrimoine arboricole de notre ville. Et donc l'élaboration de la charte de l'arbre qui est en cours va tout à fait dans ce sens-là que porte notre majorité. N'en déplaise... Oui, bien sûr, oui. Pour des raisons de politique politicienne, bien évidemment. Monsieur Cissé, tout seul. Et donc, les sites, c'est l'angle des rues d'Ambroise Croizat et Condorcet, au Malassis, 20 mètres carrés. Destiendorf et avenue de Stalingrad, 70 mètres carrés au Malassis. Et 26 rue Descartes, le plus grand espace de 140 mètres carrés, où sera donc planté le mélèze. Merci, Vincent Doux. Monsieur Vionnet. Oui, c'est le festival de l'abattage d'arbres ce soir à Bagnolet. Je ne sais pas si on aura un jour une charte de l'arbre, mais la charte de l'arbre abattu, on la voit tous les jours. Mais bon, depuis que j'ai découvert que le modèle était l'ONF, par ailleurs un organisme très respectable, mais dont le métier est la gestion forestière, je pense que quand on parle de l'arbre en ville, si on y pratique la gestion forestière, ça pourrait expliquer des choses. Cette parenthèse est en fait. Moi, j'ai regardé le texte de la convention avec Paris Habitat. Je m'attendais à trouver dans les préambules une sorte de mea culpa, que l'organisme s'excuse de ce crime écologique qu'il a produit. Or, sauf à ce qu'il y ait des pages qui m'aient échappé, il est expliqué que Paris Habitat est un organisme très soucieux de l'environnement, de tatati tatala, qui pratique, etc., etc., et qu'à ce titre, il conventionne avec la ville de Bagnolet pour planter quelques espaces au Malassis. C'est bien. Oui. Ça va. Oui, oui. Enfin, un certain nombre de bailleurs, heureusement, le font dans le cadre des travaux dans leur résidence, sans cela. Mais en tout cas, je n'ai vu aucune trace d'un mea culpa pour ce crime écologique. Parce qu'on ne parle quand même pas, parce que je veux bien qu'on discutait tout à l'heure de Jules Ferry, on peut discuter de l'état phytosanitaire des arbres. Là, on parle quand même de la disparition d'un des plus beaux arbres de notre ville, qui était un sujet absolument magnifique, en plus un cèdre qui est assez rare à Bagnolet et qui, dans un environnement très minéral, occupait une place assez déterminante dans la perception des habitants. Mais malheureusement, je pense que c'est normal que Paris Habitat ne s'excuse pas. Parce que je suis allé reconsulter les pièces du permis de construire. Et malheureusement, Paris Habitat n'a fait que ce à quoi il était autorisé. Parce que les pièces sont malheureusement, je les ai recontrôlées, les plans de l'état existant qui figurent dans le permis font figurer cet arbre. Donc, ce n'est pas qu'il y aurait eu je ne sais quelle négligence d'un architecte qui aurait oublié de dessiner. L'arbre figure dans les plans de l'état existant. Et ensuite, il y a tous les plans de projet. Il y a le plan masse général, il y a des plans masse plus détaillés. Dans tous ces plans, l'arbre ne figure plus. Il y a des plans de coupe. D'ailleurs, on voit un petit arbre qui est derrière. Dans les plans de coupe du projet, l'arbre a disparu. Dans l'axonométrie, qui y compris présente l'image en façade sur la rue Sadi Carnot, le cèdre n'y est pas. Donc, je le regrette et je m'en scandalise, mais Paris Habitat ne vous a pas menti. Il vous a remis un permis de construire dans lequel il identifie qu'il y a un cèdre comme d'autres sujets à l'état existant, dans lequel, pareil, ce n'est pas une négligence que l'architecte aurait oublié de dessiner, parce que dans les plans de masse, d'axonométrie, de coupe, des arbres figurent, des arbres projetés figurent, dans aucun ce cèdre ne figure. Donc, factuellement, là, je ne fais pas de polémique politicienne, je lis un permis de construire. Factuellement, vous avez signé un permis de construire qui prévoyait l'abattage de ce cèdre. Alors, je veux bien qu'après, parce que les habitants ont protesté, parce qu'il y a de l'émotion, on fasse comme si Paris Habitat l'avait caché ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, quelque part, le texte de la Convention en témoigne. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas voter une telle délibération qui essaye d'habiller un mensonge, quand même, et qui donne en plus l'impression qu'il y a un droit à couper l'arbre centenaire à 20 000 euros. Allez-y, les gars, vous pouvez, simplement, ça vous coûtera 20 000 euros à la fin. Mais pourquoi ils le font, alors ? Comment ? Pourquoi ils le font, alors ? Bah parce que pourquoi ils replantent ? Mais alors, parce que... Mais là, juste, ce n'est pas dit dans la Convention. Donc après, vous leur demandiez pour habiller une difficulté politique, ça j'imagine bien. D'accord. Oui, comme l'a rappelé Pierre Vionnet, planter des arbres pour un bailleur, c'est pas non plus, voyez, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ce qu'on met en question ce soir, et c'est pour ça que j'ai... parce que Vassindou a répété, Cissé a répété deux fois son intervention, qu'on avait bien entendu. Il vous énerve, on dirait, hein. Non, ce qui m'énerve, c'est le mot politicien, alors que nous protestons à bon droit. C'est-à-dire que ce que vient de démontrer Pierre Vionnet, c'est qu'en l'occurrence, on a été chercher toutes les pièces, et sur toutes les pièces, on nous dit que cet arbre devait être coupé, que le permis a été signé comme ça. Donc, ce que nous mettons sur la table, c'est pas, c'est notre bon droit d'opposition de pouvoir... Oui, bien sûr, je vais mettre mon masque, mais M. Cissé l'a enlevé quand il a parlé. Donc, ce qui est de droit pour M. Cissé, etc. Ah non, je ne suis pas... Attendez, à un moment donné, c'est compliqué, ça fait plusieurs fois... Je sais que vous n'avez pas pris la parole depuis le début, mais vous verrez que quand vous prenez la parole régulièrement, c'est difficile. Donc, je vais continuer comme ça, j'en ai plus pour très longtemps. Bah écoutez, commencez à faire en sorte que dans les gymnases, il n'y ait pas de sport. Vous êtes à une distance barrière, là, Cédric Pape. C'est pas la peine d'en faire des caisses. Commençons. Si vous vous sentez en danger, vous pouvez sortir aussi. Hein. Non, mais... Arrêtez de vouloir perturber l'intervention de Laurent Jamet, parce que vous vous sentez mal. Ce que je demande, c'est que je vais remettre mon masque, mais je demande au maire de faire appliquer la même façon la règle aux élus de la majorité et aux élus de l'opposition. Effectivement, attendez, je suis en train de terminer, je suis en train de vous dire que je vais mettre mon masque, donc vous arrêtez. Et je sais que vous cherchez l'affrontement, vous ne l'aurez pas avec moi, monsieur, donc je remets mon masque. Ce que j'étais en train de dire, donc, merci, c'est la première fois que vous m'applaudissez, mais vous verrez, ça reviendra très souvent. En tout cas, ce qui est sûr... Oh, putain. Je vous regarde tout... Monsieur Jamet, tout seul. Tout seul. Avec le masque. Absolument. Mais il va glisser. Le problème, c'est qu'il glisse. Vous n'avez pas remarqué, il glisse régulièrement lorsqu'on prend la parole. Donc, j'en suis désolé. Ce sont des moments difficiles pour la démocratie. À l'instar de ce qui nous arrive ce soir, à plusieurs reprises, on nous coupe la parole. Donc, ce que je disais... Mais je vois bien que vous êtes embêté par cette affaire. parce que vous essayez de masquer derrière tout ça un certain nombre de choses. Or, en l'occurrence, les élus de l'opposition ont fait la démonstration à travers les documents que nous sommes allés chercher, qu'effectivement, ce soir, ce que vous nous vendez comme une grande victoire de la municipalité est en vérité une mystification d'une erreur que vous avez commise. Croyez-moi, Paris Habitat ne devait pas abattre cet arbre. Croyez-moi. Et si, effectivement, ce n'était pas dans le permis, mais croyez-moi, il ne devait pas abattre cet arbre. Et si vous pensez que Paris Habitat refait des plantations mal assises juste pour nos beaux yeux, vous vous trompez lourdement. Je propose de passer aux voix. Madame Garrido. Dieu. Oui, bien sûr. Répondez-moi sur les pièces de permis. C'est des pièces officielles, consultables par le public. Tout à fait. C'est pas la confiance que je vous accorde ou que je ne vous accorde pas. Bon, je pense que personne n'est dupe sur les raisons de l'énervement et des tentatives de couper la parole aux uns et aux autres et de couvrir par vos brouhahas la réalité qui est assez évidente. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit Paris Habitat effectivement a commis un acte contraire à ses engagements, qu'ils soient contractuels ou alors peut-être oraux dans votre bureau. Peut-être que vous gérez les yeux dans les yeux, de mano à mano, des grands projets immobiliers comme ça avec les opérateurs. Et peut-être qu'il y a en plus des contrats et en plus des permis, des paroles qui sont discutées au sein de votre bureau et qui tiennent lieu de loi entre vous et les promoteurs. Ça, je ne le sais pas. En Paris tout cas, Habitat, c'est un bailleur social, vous devriez le savoir. Je ne vous recommande pas. Oui, enfin, vous m'avez compris. Des gens chargés de construire, d'accord, ouais. Vous savez, vous, monsieur le maire, vous ne vous en sortirez pas en essayant toujours de trouver... Soyez précis. Soyez précis. Oui, ne mais justement... Pas passer, parce que ça fait trois fois dans la même soirée. Ça fait trois fois. Donc ce n'est pas anecdotique. Nous avons... Ne faites pas passer des bailleurs sociaux pour des promoteurs immobiliers, c'est tout ce que mais je dis. En l'occurrence, votre adjoint va s'amuser. Qu'est-ce que ça change relativement? Promoteur immobilier, on l'a pas repris. Attends. Qu'est-ce que ça change relativement au fait que cet arbre a été coupé, le fait que la personne qui tenait la tronçonneuse était un bailleur social ou Vinci Immobilier? Du point de vue du crime écologique, ça ne change strictement rien. La seule chose qu'on est en train d'essayer d'identifier ici, parce que ça c'est important, c'est de la politique, c'est du droit, c'est qui est responsable. Parce qu'à partir de la réponse à qui est responsable, on doit aussi trouver la question qui doit payer. Et effectivement, et combien ça vaut? Parce que si Paris Habitat avait un engagement moral avec vous, pris dans votre bureau, dans je ne sais quel format juridique qui, à mon sens, ne devrait même pas exister. Mais admettons, mais c'est pas 20 000 euros, un cèdre comme ça. C'est pas 20 000 euros. J'espère que vous ne pensez pas une seule seconde que la valeur de dédommagement d'un tel crime écologique, d'un arbre aussi remarquable et aussi unique dans cette ville, c'est 20 000 euros. J'espère que vous ne pensez pas sérieusement qu'en plantant trois magnolias et en l'entretenant pendant 2 ans, ça remplace un tel arbre. Alors, il y a un mélèze, et pour le reste, ce sont des arbustes et des fleurs. Et vous savez très bien, et tout le monde le sait, que lorsqu'on n'entretient pas les arbustes, lorsqu'on n'entretient pas les fleurs, lorsqu'on n'entretient pas même les arbres, ils finissent par dépérir. Donc, en fait, tout ça, ce que nous sommes en train d'être témoins actuellement, c'est une opération pour vous d'organisation de votre propre impunité. Vous feriez mieux de reconnaître votre erreur, de reconnaître le fait que vous n'avez pas été vigilant sur le permis de construire, pour des raisons qui nous échappent, dont on ne sait pas si c'est de l'incompétence ou si c'est autre chose, qui pourrait être pire. Mais à la limite, si c'est de l'incompétence, si c'est une faute d'inattention, assumez-le et ne nous faites pas passer ce contrat, cette convention pour quelque chose susceptible de vous dédouaner. Parce que ça n'est pas excusable ce qui a été fait, ça n'est pas excusable. Et la vérité, c'est que si les habitants n'avaient pas eux-mêmes réagi, le truc serait passé inaperçu et vous auriez tout à fait laissé faire. Voilà, donc nous voterons contre cette délibération parce que non seulement on est absolument hostile au fait que les politiques organisent ainsi leur propre impunité, ce qui nous semble totalement contraire à notre façon de concevoir la démocratie et la responsabilité en politique. Mais en plus, si en toute hypothèse il devait y avoir une politique de dédommagement par rapport au massacre de cet arbre remarquable, c'est pas du tout 20 000 euros qu'il eût fallu mettre sur la table. Il lui fallu, en plus de ces dédommagements sur le plan civil, à mon sens, à notre sens, engager des démarches pénales. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des conséquences pénales dans le fait d'attaquer ainsi l'environnement. Jean-Claude Oliva. Oui, très, très rapidement. Moi, je crois que ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est qu'on a obtenu une compensation. C'est la première fois, c'est quelque chose de rare, et c'est ça que vous ne voulez pas admettre. Voilà. Moi, je crois que c'est ça l'événement, la chose importante que vous voulez à tout prix camoufler. La deuxième chose, c'est que sur la lancée de la charte de l'arbre, on envisage aussi de faire un barème pour tous les dommages, quels qu'ils soient, causés à des arbres. Alors, ce n'est pas une idée, je dirais, originale. Le département le fait déjà. C'est quelque chose dont il existe un barème départemental pour tous les dommages causés aux arbres. Donc, c'est un outil, non pas pour autoriser les dommages, mais pour inciter tous les acteurs, tous les aménageurs à ne pas en faire. Voilà. Et donc là, on fait un premier exemple. Et au-delà de cet exemple, on prend des mesures pour empêcher qu'il y ait d'autres dommages à d'autres arbres dans notre ville. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Les délibérations suivantes concernent des conventions avec des restaurateurs bagnoletais pour permettre la restauration des employés de la ville. On avait eu longuement l'occasion de débattre dans un précédent conseil municipal sur la convention avec le Campanile. Donc là, on vous propose d'adopter plusieurs conventions. La première avec l'Art du Bœuf, la seconde avec Voyage du Palais, la troisième Wok & Sushi, la suivante Indian Tandoori Masala, l'Entracte, l'Antenne et la Toscana et Italian Kitchen qui vient d'ouvrir avenue Gambetta dans le cadre de la ZAC. Monsieur Vionnet. Oui, non, pour dire que nous voterons cette délibération, puisque lors du débat auquel vous faisiez allusion, on avait effectivement souhaité, quand il était proposé une convention avec Campanile, on avait souhaité que ça soit plutôt un dispositif qui bénéficie à divers restaurateurs de la ville. Donc évidemment, nous voterons cette série de délibérations, avec peut-être quand même une suggestion complémentaire que d'ailleurs que John G. a évoquée en commission, c'est-à-dire que d'autres puissent en bénéficier, comme par exemple la nouvelle épicerie de la rue Sadi Carnot qui fait aussi des plats emportés. Effectivement, c'est ce qui a été dit en commission, puisque l'objet de cette délibération, c'est également une manière de soutenir les restaurateurs locaux dans cette crise sanitaire. Donc la première délibération concerne l'Art du Bœuf. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 7, le Voyage du Palais. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La 8, Wok & Sushi. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La 9, Indian Tandoori Masala. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La 10, L'Entracte. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. L'Antenne. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La Toscana. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Et Italian Kitchen. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Nous avons maintenant un certain nombre de vœux à examiner. Le premier concerne un vœu déposé par Bagnolet en commun. Tchouki. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais présenter ce vœu au nom du groupe Bagnolet en commun. Il s'agit d'un vœu portant sur la délibération de l'antenne du centre socioculturel Anne Frank, actuellement nommé Anatole France. Je sais d'ailleurs qu'il y a une commission qui nomme les équipements publics, mais il s'agit néanmoins d'un symbole. L'idée étant de donner un cap. Donc je vais présenter le vœu. Voici quelques jours, la France a franchi une étape importante dans la mémoire de la guerre d'Algérie, à la suite du rapport de l'historien Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, le président de la République a enfin reconnu officiellement Kali Boumendjel, avocat, militant du Front de Libération Nationale, FLN, avait été enlevé par l'armée française, puis torturé et assassiné le 23 mars 1957, en pleine bataille d'Alger. Cette reconnaissance est fondamentale car elle permet d'établir enfin une vérité officielle sur un crime déjà avoué par ses commanditaires. Cet acte de reconnaissance s'inscrit dans la droite ligne de celui de la responsabilité française dans la mort de Maurice Audin, dont notre ville honore désormais la mémoire après avoir donné son nom, ainsi que celui de son épouse, au parc du château de l'Étang. Ali Boumendjel était un militant, militant de l'indépendance et militant de la paix. Le jour de son enlèvement à Alger, il revenait justement du Congrès mondial pour la paix. Afin que vive la mémoire des femmes et des hommes de paix, de celles et ceux dont le souvenir doit être associé à la lutte contre l'oppression et dont la mémoire signifie désormais un avenir partagé, nous demandons au conseil municipal de Bagnolet de donner le nom d'Ali Boumendjel à l'un de ses équipements publics. Afin que la transmission de cette mémoire puisse se faire en direction du plus grand nombre, nous demandons au conseil municipal de Bagnolet de donner ce nom au futur centre de quartier, antenne du centre Anne Frank, actuellement nommé Anatole France, qui devrait ouvrir ses portes d'ici la fin d'année. Voilà. Je vous remercie. Des remarques, Monsieur Djenan. Oui, en application des préconisations de Benjamin Stora, présentées dans son rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation, le président français Emmanuel Macron vient de décider le 2 mars 2021 la reconnaissance par la France de l'assassinat d'Ali Boumendjel. Arrêté par l'armée française, placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars 1957. Il a dit à ses enfants que Ali Boumendjel ne s'est pas suicidé, il a été torturé, puis assassiné. Ce geste participe, selon Macron, à regarder l'histoire en face, reconnaître la vérité des faits, sans refermer, ajoute-t-il, des plaies toujours ouvertes, et aidera à frayer le chemin de l'avenir vers l'apaisement et la réconciliation. D'abord, quelques remarques s'imposent. L'assassinat d'Ali Boumendjel a été déjà reconnu par le général tortionnaire Paulo Soares en 2012, qui avoua avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide. La reconnaissance officielle par la France intervient donc bien en retard et en décalage de la vérité historique. Cela indique de manière claire que pendant 67 ans, le mensonge d'État a prévalu. La reconnaissance d'aujourd'hui, celle a un sens, c'est dans la leçon qu'elle donne sur la manière dont la France officielle agit à l'égard de son passé colonial, usant de mensonges et de déni. En cette année 57, des centaines d'autres Algériens ont subi le même sort qu'Ali Boumendjel. Certes, ils n'étaient ni avocats ni professeurs, et leur disparition n'a pas fait la une des journaux. Seraient-ils moins dignes de reconnaissance? Leur cas ne relève-t-il pas des mêmes pratiques et des mêmes horreurs coloniales? Est-ce cela regarder l'histoire en face? La présidence française affirme reconnaître le fait, mais elle ne les condamne pas. Sur le plan moral, éthique, il n'y a donc aucune avancée ni aucune concession aux victimes, à toutes les victimes de ces crimes. Or, en reconnaissant le fait, le président de la République fait l'impasse sur sa cause, c'est-à-dire l'usage systématique de la torture et des disparitions forcées. La présidence française, par ce déni, absout les ordonnateurs des crimes et ceux qui les ont couverts politiquement. Autrement dit, elle dédouane l'État français comme responsable moralement de ce qui a été commis en son nom. Il ne revient pas sur les crimes et massacres commis entre 1830 et 1962. Pour revenir sur ce vœu, il serait bien que l'on fasse dans ce vœu la demande de reconnaissance de ces massacres comme crimes contre l'humanité. Et de deux, ce vœu oublie une autre personne. Il oublie Madame Melika Boumendjel, son épouse, qui avait fait, comme notre camarade Youssef Oudin, d'ailleurs c'est dit dans le vœu, du combat pour la vérité sur l'assassinat de son mari, le combat de sa vie. Elle nous a quittés malheureusement avant que cette vérité n'éclate officiellement. Par ce vœu, on propose de lui rendre hommage également, que l'on nomme, comme nous l'avons fait avec Youssef Oudin, que l'on nomme un équipement public ou cette antenne dont parle le vœu, Melika et Ali Boumendjel. Merci. Émilie Trigo. Alors, Mohamed, tu me coupes presque sous le pied le début de mon introduction, puisque j'avais envie de dire que si j'étais taquine, j'aurais remarqué que la semaine du 8 mars, on aurait aussi pu symboliquement proposer le nom d'une femme, Marie Marvin par exemple, mais ta proposition est tout à fait légitime aussi, et je te remercie. Mais si nous ne l'avons pas fait, et je parle au nom de mon groupe, c'est bien parce que comme nous étions engagés lors d'un précédent conseil municipal, ces débats auront lieu la semaine prochaine lors d'un groupe de travail qui sera consacré à la dénomination des rues ou bâtiments ou plaques, enfin bref, toutes ces propositions qu'on a déjà faites. Sur le fond, nous nous réjouissons évidemment de la reconnaissance officielle par l'État français de l'assassinat d'Ali Boumendjel, même si elle arrive effectivement un peu tard. Et nous sommes évidemment en accord avec ce vœu, du coup plutôt féminisé comme tu l'as proposé, et pour que ce nom soit étudié la semaine prochaine au même titre que les autres, au même titre que Samuel Paty, et que ne soit pas déjà fléché le bâtiment comme nous l'avons aussi déjà dit. Je profite d'ailleurs de l'absence de ma collègue et amie Caline, ce qui l'empêchera de rougir en public, mais nous sommes effectivement particulièrement fiers que Florence Boger, journaliste bien connue pour ses engagements et dont nombre d'articles sont beaucoup partagés ces dernières semaines, soit sa mère. En conclusion, pour rester en conformité avec nos engagements pris précédemment et les méthodes décidées conjointement ici, notre groupe s'abstiendra sur ce vœu, reportant le débat au groupe de travail prochain. Madame Garrido. À propos de ce rapport Benjamin Stora, il paraît absolument important qu'en tant que conseil municipal, on le soutienne, on le valorise. Le rapport Stora comporte un certain nombre de préconisations, hein, pas seulement la vérité sur Ali Boumendjel, mais un tas d'autres, dont par exemple la panthéonisation de Gisèle Halimi, qui va dans le sens justement du vœu que nous avons adopté ici au moment de son décès. D'ailleurs, je crois bien qu'on a été la première commune de France à se prononcer après son décès pour l'attribution de son nom à une voie et pour la panthéonisation. Et je regrette, mais ça c'est peut-être, je ne sais pas si c'est des questions de communication, de gestion, mais je regrette que lorsque, même de façon presque unanime, on adopte ce genre de vœux, on ne mette pas sur les sites de la ville, on n'en fasse pas une certaine promotion. Là, c'était la semaine du 8 mars. On aurait pu, cette semaine-là, en tant que ville, faire la promotion de ce vœu qui a été adopté. C'était à notre initiative, mais dans ces cas-là, on cherche tous à essayer de se regrouper et d'essayer de parler d'une seule voix pour essayer de symboliser ou de manifester l'esprit qui règne dans notre ville. La question du rapport Stora, c'est un sujet important qui d'ailleurs a été porté à l'Assemblée nationale par le député de Bagnolet-Montreuil, Alexis Corbière, puisque le 26 janvier, il a demandé au gouvernement de bien vouloir rapidement donner un effet concret et rapide aux différentes préconisations du rapport Benjamin Stora, qui, ça a été dit, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est effectivement cette idée que l'histoire ne peut pas être hémiplégique. Et que donc il faut que la France et l'Algérie puissent ensemble faire des diagnostics historiques et rétablir un certain nombre de vérités qui permettent de penser des plaies et de construire un avenir commun, y compris en pensant aux jeunes générations qui, du fait de leur ascendance familiale, se sentent un attachement aux deux pays. Et ça, on le sait, parce que la question de la double nationalité, la question qu'elle soit formelle sur les papiers ou qu'elle soit, on va dire, parce que je ne sais même pas si c'est possible d'avoir la double nationalité franco-algérienne, mais En tout cas, vous savez très bien qu'on peut avoir son cœur à deux endroits. Moi, c'est mon cas. En tout cas, j'ai mon cœur à plusieurs endroits. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est tout à fait dénigré aujourd'hui, notamment par un secteur de la politique française qui est à droite et l'extrême droite, qui passe leur temps à décrier une espèce de conflit de loyauté qui existerait dans la jeunesse en France. Et en gros, parce qu'on a une ascendance dans un autre pays, notamment et singulièrement au Maghreb et singulièrement en Algérie, on ne pourrait pas être un républicain, on ne pourrait pas être attaché à la France, on ne pourrait pas être un patriote. Et ça, je pense que nous, à Bagnolet, il faut vraiment qu'on l'affirme. On s'oppose à ça et qu'on affirme et qu'on incarne absolument le contraire, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être attaché à ces deux histoires et être un républicain français, et que c'est d'ailleurs tout à fait dans un esprit républicain que de vouloir faire la vérité, la justice. Alors, moi, je rejoins Émilie Trigault sur, premièrement, la nécessité de féminiser les noms des voix. Alors, la proposition de Mohamed Jenan, qui est de rajouter Malika, est un élément de réponse. Mais attention, la pile, on va dire, ce n'est pas un joli mot, mais les noms qu'on on devrait déjà mettre, ça commence à s'accumuler. Je viens de dire Gisèle Halimi, mais on avait, avant, dans le mandat précédent, je crois qu'il avait été décidé de rajouter Marie-Claude Vaillant-Couturier sur une rue. Et pour l'instant, ça n'a toujours pas été fait, en tout cas, soit sur la même plaque que Paul Vaillant-Couturier ou sur une autre. Peut-être que d'ailleurs, ça se justifie plus une autre que la même. Faut pas toujours, les femmes ne veulent pas toujours être avec leur mari, et même dans la postérité. Et effectivement, je pense que cette commission qui se réunit, je crois, la semaine prochaine, mardi, qui commence son travail, qui va être très important et sur lequel vous pouvez compter sur moi pour y participer, j'espère qu'on trouvera rapidement des solutions et un accord pour donner enfin le nom pour Gisèle Halimi, pour Samuel Paty. Et effectivement, maintenant, si on le décide... nous, on est d'accord sur cette idée, Malika et Ali Boumendjel. Alors, ça ne tombera pas forcément nécessairement sur le centre, la nouvelle annexe du centre Anne Frank. Alors, quelqu'un me disait en ligne, on va enlever Anne Frank pour mettre Ali Boumendjel. Non, je crois que ce n'est pas ça la proposition. Je pense que personne ici ne l'accepterait. Ça va absolument de soi. Il ne s'agit absolument pas de débaptiser Anne Frank. Il s'agit, si j'ai bien compris la proposition, d'une nouvelle infrastructure. Mais ce n'est même pas certain qu'il faille que ce soit celle-ci, parce que celle-ci, par exemple, ça pourrait être Gisèle Halimi ou autre chose. Enfin, bref. Mais on est d'accord, je crois que c'est ça qui compte ce soir, de dire que nous voulons honorer Malika et Ali Boumendjel. Merci. Oui. J'ai écouté Émilie son intervention, mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que vous vous abstenez. Parce qu'on avait dit par principe que, justement, on ne faisait plus des vœux qui désignaient des noms définis pour des espaces définis, et qu'on s'était engagé pour mettre en place un groupe de travail qui aura lieu la semaine prochaine, et qu'on souhaite que le nom soit étudié au groupe de travail. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que si on s'abstient tous dans cette philosophie-là, le vœu va passer, parce qu'il y a des gens qui vont voter pour, ou alors on l'amende, ou alors son auteur l'amende pour retirer la mention du lieu, afin qu'au moins on se manifeste à l'unanimité sur le principe de Malika et Ali Boumendjel. Peut-être que ça peut être une solution de compromis. Et puis on rajoute le nom de Malika. On donne la parole à Jean-Claude et on va faire une interruption de séance. Alors. Ok. Oui, simplement, moi, ça allait tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire à la fois, je suis tout à fait d'accord pour honorer Ali Boumendjel et Malika Boumendjel, bien entendu, ça me semble tout à fait nécessaire. En même temps, je pense aussi, on en a déjà discuté, c'était même Édouard qui était allé dans ce sens, il faut un cadre global pour la politique mémorielle à Bagnolet, et qu'on ne soit pas toujours sous la pression de l'actualité, sous la pression de l'émotion, etc. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble à tous les noms qu'on veut donner. On a déjà un certain retard, il y a Gisèle Halimi, il y en a eu d'autres avant, effectivement, et les lieux aussi. Alors après, moi, je pense qu'il ne faut pas s'interdire, y compris d'ouvrir la réflexion sur débaptiser un certain nombre de lieux, de rues dans notre ville. Voilà, c'est aussi un choix à faire. Bien entendu, ça serait particulièrement malvenu sur Anne Frank, mais je pense qu'il y a d'autres lieux, d'autres noms de rues à Bagnolet qui pourraient être débaptisés, et on fera aussi des propositions dans ce sens. Donc voilà, effectivement, on peut tous se mettre d'accord si on modifie ce vœu, sinon on s'abstiendra. Bon, on va faire une interruption de séance. Le but vraiment de la réunion de mardi prochain, c'est d'avancer concrètement sur le fait de baptiser des lieux, des rues, avec les noms qui ont fait l'objet d'examen au conseil municipal, et éventuellement d'en regarder d'autres. Mais c'est vrai que c'est d'avancer concrètement et réellement. Parce que c'est vrai que sur Marie-Claude Paul-Couturier, c'est vrai que c'est une demande récurrente, ça a été signalé à plusieurs reprises. On avait eu le débat, on avait eu un autre débat sur un autre couple. Sur. Non, on avait eu le sujet avec. Bah si, c'est une de vos camarades, mais c'est une personnalité. Ça va me revenir. Donc on fait l'interruption de séance, 2 minutes, et on termine. On peut reprendre. On redémarre. Choki, Mohamed, Émilie, Édouard. Je pense que tout le monde est d'accord, on le vote ensemble, on fait l'amendement d'abord sur le couple, également sur le non-fléchage. Sur la demande gouvernementale, ce n'est pas l'esprit du vœu, sachant qu'on a transmis... à tout le monde, les règles qui sont rappelées avec sévérité par le préfet, donc on s'en tient à ça et on renvoie à la commission de mardi. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Nous avons ensuite... Alors... une question orale. Un vœu avant. Concernant la ferme école. Donc bien sûr, il y a 2 vœux. On va en étudier qu'un, puisque on a eu longuement l'occasion d'en discuter en conférence des présidents. On s'est mis d'accord sur le fait de faire un bilan du fonctionnement du règlement intérieur à la fin de l'année, où effectivement un certain nombre de sujets seront remis sur le tapis, dont cette question du nombre de vœux et de questions orales. Vous avez la parole, Monsieur Vionnet, sur la ferme école. Alors, cela dit, sur cette question des vœux, il me semble que nous étions à la même conférence des présidents. Tout à fait. Où effectivement, je croyais avoir compris votre conclusion, qui était d'une part qu'il y aurait un an après l'approbation du règlement intérieur un bilan d'étape, ouais. Mais je croyais avoir entendu le fait que vous disiez que, en fonction des ordres du jour, des sujets, ouais, vous n'appliqueriez pas de manière automatique la règle de 1 et qu'il pouvait y avoir des discussions communes. Et je pense, puisque la dernière fois, vous nous avez dit que, soi-disant, les réponses qui avaient été faites étaient fermées, etc., je pense que la manière dont on l'a, demandé était clairement une manière, en plus, du coup, ce vœu sur le triangle de Gonesse, qui est toujours d'actualité et qui n'a pas, du coup, pu être porté au Conseil précédent. J'avoue que je suis un peu surpris que vous n'ayez pas dit « Ok, suite à la discussion de conférence des présidents, on peut l'examiner, d'autant plus que, comme je l'écrivais, je pense que c'est un vœu, enfin en tout cas je l'espère, qui pouvait avoir un caractère consensuel entre nous tous. » Mais il sera encore d'actualité prochainement, j'imagine. Non mais je comprends pas très bien l'intérêt pour vous, honnêtement, de jouer à ce petit jeu reporter de conseil en conseil, ce vœu. On ne comprend pas non plus l'intérêt pour vous, monsieur Jamais. Oui, non, moi j'ai saisi l'association Anticor sur la question du règlement intérieur et sur ce qui, j'ai oublié d'en prévenir mes collègues, donc c'est aussi une information pour eux, et qui sont très intéressés d'une rencontre justement sur les termes de votre règlement intérieur qui vise, on le sait bien, à faire en sorte que l'opposition puisse moins s'exprimer, poser moins de questions et déposer moins de vœux. Et on y reviendra. Olivier. Alors, d'abord, j'aimerais quand même rappeler que tout à l'heure, sur le robe, monsieur Vionnet a parlé pendant 17 minutes, vous-même pendant quasiment un quart d'heure, et vous n'avez pas vu le maire mettre en application de manière stricte la limitation du temps de parole à 10 minutes. On a un robe à chaque conseil municipal. Non, mais monsieur Jamais, ce que je veux dire, c'est que on a pu faire la démonstration, on a passé 2 heures sur le robe, on a pu faire la démonstration quand même qu'il n'y avait pas d'application stricte du temps de parole sur les sujets d'importance, et de manière générale d'ailleurs, c'est quand même assez rarement. Je vous invite à aller voir ce qui se passe, je l'ai dit en commission, à Hénin-Beaumont, à Levallois ou dans d'autres villes, où on coupe les micros, il y a des personnes qui viennent arracher le micro aux élus, etc. On est quand même très, très, très, très, très loin. Qu'on vous a déjà dit qu'on vous a jamais comparé à Steve Briouat. Oui, mais c'est pour vous dire quand même qu'on est quand même très, très, très éloigné de communes où il y a de la censure et de l'opposition est passée sous le poisson. On nous a comparé dans un précédent conseil à une ville très, très droite des Yvelines. J'ai perdu le nom, mais vous poserez la question à votre collègue qui est absente ce soir, donc je ne vais pas la citer puisqu'elle n'est pas là. Et donc, pour terminer, nous avons un règlement intérieur que vous auriez pu, vous aviez tout loisir de le déférer au tribunal administratif, vous ne l'avez pas fait. Et alors que vous ne l'avez pas fait, c'est que manifestement celui-ci vous convient. Mais Madame Laurence, est-ce que Madame Laurence, juste un point d'ordre, on essaye de s'écouter, on vous a écouté longuement. Vous passez votre temps à interrompre, à dire que vous interrompez. Juste, vous allez pouvoir parler si vous le souhaitez, mais laissez finir. Vous aviez la possibilité de le déférer au tribunal administratif, vous ne l'avez pas fait, donc c'est que manifestement, vous n'aviez pas soulevé d'illégalité. Très bien. Anticor, s'ils souhaitent nous solliciter, évidemment, ils le feront, et je ne doute pas qu'ils seront reçus. Et enfin, sur le point de ce soir, on a dit effectivement, au-delà du débat sur le fait qu'on fera un bilan un an après l'adoption du règlement intérieur, que on pourra considérer deux vœux dès lors que, par exemple, l'actualité locale le justifie. Mais en quoi votre deuxième vœu, qui concerne de l'agroécologie sur le terrain du triangle de Gonesse, en quoi c'est un sujet local? Ce n'est pas un sujet local qui justifie, à un moment donné, qu'on fasse une entorse au règlement intérieur. Si s'était passé quelque chose de grave à Bagnolet, à un moment donné, qui aurait justifié qu'on ait un débat à l'appui d'un vœu, on aurait pu considérer que l'actualité l'imposait et le faire de manière intelligente ensemble en conférence des présidents. Mais Rien dans ce vœu ne justifie cette dérogation. Donc, ce vœu-là, si vous souhaitez quand même le déposer, déposez-le à un prochain conseil municipal. Vu son sujet, d'ailleurs, s'il devait être adopté, on va encore avoir droit à un courrier du préfet nous disant qu'il n'y a pas d'intérêt local. Et je pense que, comme on vous a transmis tous les courriers sur la question, vous avez une petite idée de ce qu'est la jurisprudence mise en place par le préfet en fonction dans le département. Donc voilà, je pense qu'on perd du temps sur quelque chose où non seulement il n'y a pas d'intérêt local, on va se le faire déférer si on l'adopte, et en plus, il n'y a pas de justification à ce qu'on déroge un règlement intérieur que vous n'avez certes pas voté, mais que vous n'avez pas non plus déféré comme étant, à votre sens, attentatoire à vos libertés. Monsieur Vionnet, sur la je vais poursuivre sur le vœu, mais je note quand même que par rapport à d'autres vœux, y compris qui ont été proposés par des groupes de la majorité, le triangle de Gonesse se situe pour partie dans le même département que celui où nous habitons, qu'en plus, il y a effectivement des questions d'alimentation locale qui, d'ailleurs, ont une certaine actualité à Bagnolet. Donc voilà, on ne va pas, à chaque conseil, passer un temps fou là-dessus, mais je trouve que quand nous étions en petit comité, en conférence des présidents, la conclusion d'ouverture que vous avez faite, je la retrouve bien peu ce soir. Mais bon, je m'arrête là. Donc, sur le vœu, effectivement, relative à la ferme-école des Malassis. Pour une fois, je vais lire, parce que j'ai largement repris les propos de l'association elle-même de Sort de Terre. Le sujet qui est posé là, parce qu'on en a déjà parlé, donc c'est pas la peine de rappeler le contexte, le sujet qui est posé là, c'est bien qu'il s'agit de sortir d'une opposition stérile entre école et bergerie, puisque ce que dit ce vœu sur le fond, c'est simplement qu'il nous semble, comme aux animateurs de l'association Sort de Terre, qu'il y a un vrai enjeu pédagogique et écologique et social pour ce quartier, à faire vivre ensemble un projet de bergerie et un projet d'école, et que c'est d'ailleurs dans la droite ligne des actions que mène l'association. Et donc, si je les lis, « Les arbres et le ciel sont une respiration au milieu des immeubles. Ils apportent de la fraîcheur en été. » Je m'excuse de revenir par parenthèse sur les sujets. Ce n'est pas un peu de moquette de toiture sur un plan de toiture végétalisée qui peut produire les qualités de la pleine terre, même si, quand il n'y a pas d'autre solution, quand il n'y a pas de pleine terre, et à condition que les épaisseurs végétales soient sérieuses, parce que pour qu'il y ait véritablement des continuités de biotopes, il ne faut pas juste mettre un coup de verre sur une perspective comme celle qu'on a vue hier soir, il faut avoir la garantie d'avoir les épaisseurs pour que ça vive. Donc moi, de manière générale, je suis favorable aux toitures végétalisées quand elles sont faites sérieusement et quand il n'y a pas d'autre solution. Mais là, on est bien sur un espace qui était aujourd'hui un espace de pleine terre. Les enfants crient biquette à la récré. Une école nouvelle est nécessaire, plus grande et plus confortable. Il faut aussi prendre soin de ce riche patrimoine commun, paysage commun, pour que chacun continue à apprendre au contact de la nature et que la bergerie continue à offrir flânerie, pédagogie, culture. Le projet de la ville détruit l'écosystème actuel. C'est un groupe scolaire mastodonte fait de couloirs, d'escaliers, d'ascenseurs. Il coûtera cher en exploitation. Le jardin de pleine terre est remplacé par un toit végétalisé. Non. Les enfants ne toucheront plus le sol et ne verront plus les chèvres à la récré. La bergerie des Molines ne pourra pas fonctionner sur l'espace qui lui est laissé. L'association et ses soutiens proposent de faire autrement. Un grand groupe scolaire adapté aux besoins d'aujourd'hui. Une ferme-école imaginée et fabriquée avec tous. Une école douce, écologique, qui prend soin des enfants, des bêtes, des sols et des arbres. Le maintien des gardiens et de leur maison. Le maintien de la bergerie à sa place actuelle. Donc effectivement, je pense que là, le débat qu'il y a entre nous, c'est que vous tenez le discours, on fait l'école et la bergerie, mais cette école est construite exactement à l'emplacement de la bergerie, amène à la démolition de la bergerie, et que moi, personnellement, j'ai souvent fréquenté cet endroit, mais je ne suis pas berger, et donc je fais confiance à ceux qui animent cette initiative. Aujourd'hui, ils considèrent que ce qu'ils auraient proposé n'est absolument pas viable pour leur activité. C'est pourquoi donc, nous proposons au conseil municipal de Bagnolet d'apporter son soutien à ce projet alternatif de fermer école des Malassis portée par l'association Sort de Terre, ce qui implique du coup effectivement réouvrir une concertation sur le sujet. Et l'association, pour avoir regardé ça un petit peu en détail avec eux, travaille la chose de manière très sérieusement avec architectes et programmistes pour que leurs propositions soient conformes au bon fonctionnement d'une école. Et puis, vu l'importance du sujet, on propose que soit ouverte une démarche de référendum local, puisque je pense que nous renvoyer, comme vous l'avez fait plusieurs fois, au score de telle ou telle liste dans le quartier des Malassis ne répond pas aux besoins, d'ailleurs prévus au règlement intérieur, de consulter la population sur des sujets d'importance. Frédéric Gabin. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je profite d'avoir la parole, et même s'il est un petit peu tard, pour vous demander votre attention. Et je voudrais faire deux interventions, une intervention liminaire, avant de répondre sur la proposition de vœux. Je voudrais vous rappeler que les écoles fonctionnent. Nous sommes en crise depuis presque... Dans six jours, ça fera un an qu'on a commencé les exercices de confinement, confinement partiel, couvre-feu, protocole sanitaire. Et donc, je voulais qu'on rende hommage rapidement à la communauté scolaire, aux enseignants qui commencent à être épuisés. Les remplacements deviennent difficiles. On manque de volets de remplacement à l'éducation nationale. Les personnels dans les écoles, les ATSEM, souffrent aussi. Les personnels d'entretien sont mis à rude épreuve. Il y a des exigences sur les protocoles sanitaires qui fait que pour faire fonctionner les écoles, c'est difficile, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'engagement. Évidemment, les parents sont mis à rude épreuve, puisqu'il y a des fermetures d'écoles de ci, de là, parce qu'on ne peut pas, mettre en danger la communauté scolaire. Et ça va, donc toutes les équipes d'animation, évidemment, pendant les centres de loisirs, les AESH, les services en général. Et puis ça va jusqu'aux enfants qui respectent en élémentaire le port du masque toute la journée, de 9h du matin à 18h30, à 18h quand ils restent à l'étude, et pour que tout le monde puisse tenir le coup. Voilà, donc je voulais rendre ce petit hommage, parce que on est sur le sujet des écoles, les écoles fonctionnent, et je voulais vraiment remercier la communauté scolaire de faire fonctionner ce service public. Merci pour votre attention. Ensuite, sur ce vœu, alors je vais remercier M. Gillamard pour cette proposition de vœu, puisque c'est lui qui l'a écrite, puisque l'opposition n'avait pas vraiment compris ce que demandait Gillamard. Donc effectivement, j'ai compris que c'était plus simple pour vous d'écrire vous-même votre souhait. Bah oui, au conseil municipal du mois de décembre, j'ai pas dit que vous étiez bête. Frédéric Gabin, seul, s'il vous plaît. Mais effectivement, c'est plus simple d'aller voir les revendications du berger pour en comprendre la teneur que de dire qu'il ne faut pas faire d'école sur cette parcelle, comme je l'ai entendu au mois de décembre. Vous actez le besoin d'une plus grande école et plus confortable. Nous sommes totalement d'accord. Merci. Et on en a besoin pour 2023, pour qu'elle soit confortable, cette école, et pour que les écoles de la ville soient confortables au vu de la démographie scolaire. On a besoin de cette école à la rentrée 2023. Mais dans votre vœu, vous oubliez la crèche, qui est un autre service public dont les parents et les enfants ont besoin au quartier des Malassis. Vous oubliez le centre de loisirs, qui est un outil important de la politique communale, de la politique éducative communale en renfort de l'éducation nationale. Vous oubliez le parc public à destination de la population, un parc public accessible, public, avec verger, des jeux pour les enfants. Vous appelez l'école mastodonte ? Bon, des couloirs, des escaliers, des ascenseurs ? Ouais, ok. Il n'y a pas de buvette, c'est ça que vous lui reprochez ? La bergerie sera au contact. Frédéric Gabin, seul. Frédéric Gabin, seul. Frédéric Gabin, seul. Donc des escaliers, mais pas de buvette. C'est ça le problème ? La bergerie dans le projet sera au contact. La bergerie sera au contact de l'école. C'est ça qu'il y a dans le projet. Donc les chèvres à la récréation, oui. Oui. C'est ça que nous voulons faire. Alors, pendant la campagne, j'ai entendu l'opposition qui voulait un plan école. C'est ce qu'on fait. Nous sommes d'accord, on le fait. On a besoin d'écoles sur la ville. En décembre, l'opposition parlait de conflit d'usage et de certains, ses membres, avaient compris pendant la campagne qu'elle ne se ferait pas. Ce qui nous étonne. Alors, soit on veut un plan école, soit on n'en veut pas. J'ai participé aux concertations. Les participants posent des questions qui sont pertinentes. Ils posent des bonnes questions. Par exemple, on a discuté de la sécurité dans la rue, aux abords des écoles, qui est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans le projet, effectivement, il faudra se poser la question des entrées. Et il a été demandé une entrée rue Blanqui. Il y a effectivement l'école maternelle Vallon qui est de l'autre côté. Donc ça fait beaucoup de circulation. Il faudra qu'on engage une réflexion sur ces problèmes-là qui sont soulevés lors des concertations. L'éducation nationale est en faveur du projet. Dans les conseils d'école, on nous dit on a besoin que cette école soit construite. Ils sont au courant des besoins et de la démographie scolaire. J'ai même reçu les félicitations pouce levé d'un camarade au 110 rue Sadi Carnot lors d'une soirée fraternelle en décembre sur le projet. Ça nous semble un bon projet qui permet de répondre aux besoins des habitants, à l'intérêt général. Les intérêts particuliers doivent s'effacer devant l'intérêt général. Que votre vœu, Monsieur Gillamard, soit l'expression tout à fait respectable d'une opinion, d'un avis, il doit aussi se confronter à l'intérêt général. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en faveur d'apporter un soutien à un projet alternatif qui ne ferait que retarder l'ouverture de cette école. Je vous remercie. Merci Frédéric. Olivier. On a déjà tant débattu de ce sujet que je ne ferai pas long, surtout à cette heure tardive. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on a fait 6 ans de concertation sur un projet, des dizaines de réunions publiques, qu'on a mobilisé des centaines de milliers d'euros d'études, de nouvelles études, de compléments d'études pour faire en sorte de répondre à l'ensemble des souhaits des habitants, des usagers du service, qu'il s'agisse du service public d'ailleurs ou de la bergerie, je crois qu'on a largement dépassé ce que sont les obligations naturelles des décideurs publics dans l'intégration des différentes composantes du projet. Le projet qui a été désigné est un projet de grande qualité. C'est un projet qui va connaître ses dernières évolutions pour intégrer les attendus de la concertation que nous avons menée depuis maintenant un peu plus de 2 mois dans sa nouvelle formation, sur les accès, sur la sécurité aux abords, sur le parvis, sur la préservation de certains spécimens. Et c'est un projet qui va commencer dès cet été ses premiers travaux d'aménagement qui permettront du déménagement temporaire de la bergerie, qui permettront les travaux de construction d'une nouvelle école, une belle école, et qui permettront, in fine, lorsque ces travaux seront terminés et l'actuelle école démolie, effectivement d'une belle bergerie en lien direct avec l'école et d'un grand espace vert qui sera aussi occupé par les habitants du quartier qui trouveront dans tout cet écosystème à la fois éducatif et écologique une vraie pépite pour ce quartier, qui est un quartier historiquement de bâtiments à qualité architecturale limitée et évidemment en manque d'espace vert. Donc ce projet, c'est un beau projet, c'est un projet que nous allons mener, c'est un projet qui sera livré dans les temps pour une rentrée scolaire en 2023. Et bien sûr, nous voterons donc contre ce vœu dès demain. Je propose de passer au voix. Madame Garrido. Je voudrais juste dire à Frédéric Gabin que en soi, le fait que des conseillers municipaux enracinent leurs interventions dans cette assemblée directement sur l'expression des associations et des personnes qui sont engagées sur le terrain, je comprends pas depuis quand c'est un problème. Quand est-ce que c'est devenu un problème? Il me semble que la politique est plutôt négativement affectée par la déconnexion entre les politiques et les acteurs associatifs. Et là, je trouve que C'est un peu méprisant, un peu arrogant de s'adresser comme ça directement à Gilles Amar dans une intervention comme s'il était là alors qu'il n'est pas là, il n'est pas là et il ne peut pas répondre. Et surtout, ne s'adressons pas à nous comme si nous étions parfaitement transparents et comme si notre place ici n'était pas l'effet direct du suffrage universel. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et puisque vous avez parlé du bilan Covid et que vous avez semblé remettre en cause l'attachement à l'intérêt général ou la compréhension de l'intérêt général par notre groupe et par d'ailleurs aussi Gilles Amar, il y a dans cette ville des combats importants qui sont menés pour l'école, contre la fermeture des classes à la rentrée, pour l'embauche d'AESH et la revalorisation de leur salaire, pour, en ce qui concerne le collège travail, le fait que les collégiens puissent aller en cours seulement le matin ou seulement l'après-midi dans un système de rotation parce que les classes sont si petites et si vétustes qu'on ne peut pas garantir leur aération, tout autant de sujets sur lesquels vous n'avez pas spécifiquement ou spécialement été en pointe. Je ne vous ai pas vu lorsqu'on a manifesté devant le rectorat avec les AESH. Concernant le collège travail, vous avez plutôt fait le service après-vente du département et du rectorat plutôt que de soutenir la proposition des parents. Il faut quand même rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que le recteur, au final, sur la question du collège-travail, a proposé de couper les classes en deux, mais pas matin, l'après-midi, c'est chacun leur tour, enfin, un jour oui, un jour non, ce qui fait que ça ne change rien, justement, dans la classe. Plutôt, voilà, vous m'avez compris. Donc, je termine sur cette affaire de bergerie. Encore une fois, c'est un sujet démocratique. Hein, encore une fois, on y revient. Vous dites que vous avez fait des tas de concertations, vous avez dépensé un tas d'argent en études. Bon, ça ne parle pas spécialement bien de vous et de vos capacités de gérer l'argent public, hein, de toute façon, puisque après ces années d'études et d'études, vous n'êtes toujours pas sur un projet qui recueille l'assentiment des personnes et des acteurs sur le terrain. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Et puis, encore une fois, toutes ces choses sont des choses qui auraient pu être discutées au moment de l'élection municipale. C'est comme sur la rue Robespierre, c'est comme sur les arbres de Square Ferry, c'est comme sur la prétendue protection des arbres, et hop, on s'aperçoit quelques semaines après l'élection qu'en fait, les permis de construire avaient prévu d'abattre le cèdre. C'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire que les questions d'environnement, les questions d'intérêt général liées à l'environnement sont en général faites, à chaque fois qu'on va contre l'environnement, on le fait dans l'opacité, on le fait par la force, en l'occurrence là par le mépris, l'arrogance. J'ai vraiment pas compris l'intervention de Frédéric Gobin, les blagounettes sur Gabin. Pardon, ça doit être le masque qui pèse sur le mouvement de ma bouche. J'ai pas compris la blagounette sur la buvette. Je n'ai pas compris en fait la moitié de cette intervention et je trouve que quand ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le disent viennent aisément et que votre réponse n'est pas assez argumentée. Voilà, vous avez oui, cette association sort de terre, Gilles Amar, des gens qui connaissent le sujet. Oui, c'est vrai, personne ne le conteste ici. Quand on dit qu'on n'est pas berger, oui, c'est quand même une réalité. Et je trouve qu'il faut faire, quand on veut passer en force, il faut au moins avoir un peu d'humilité, essayer d'argumenter et pas simplement prendre les gens de haut et puis avoir un rapport à la politique qui ne soit rien d'autre que des autosatisfactions en permanence. Et cette affaire, de toute façon, n'est pas terminée. Mais et je terminerai juste sur un point, c'est que pour parler de démocratie, vous voyez, dans cette ville, il n'y a eu que deux listes au second tour. Donc 55 pour vous, 45 pour nous, des suffrages exprimés, évidemment, dans un océan d'abstention. Hein, donc ne pensez pas que nous représentons, vous et nous, 55% de la population et 45% de la population nous concernant, comme ça avait été dit au premier conseil municipal. Les personnes qui étaient sur le terrain, les associations qui animent des lieux, ces bagnoletais qui sont en fait le sel de la terre de notre ville, hein, qui animent des structures auxquelles nous sommes tous attachés, et qui ont semblé ne pas être totalement de votre côté, eh ben, ils sont plusieurs aujourd'hui à considérer et avoir l'impression qu'il y a une sorte de vengeance, une sorte de punition, que ceux qui n'ont pas soutenu Tony Di Martino au municipal, eh bien, peut-être qu'on ne va pas renouveler le bail pour leur structure, peut-être que finalement, on ne va pas tellement les écouter par rapport à leurs revendications associatives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est un mauvais état d'esprit sur la ville, et moi, je souhaite qu'on en revienne aux faits, aux arguments, et comme ça a été dit, évidemment, j'ai souscrit, à l'intérêt général. Alors, vous parlez d'humilité, dont acte. Ça fait des années qu'on discute de ce projet avec Gilles Amar. Je ne vais pas refaire les épisodes précédents, il est venu au conseil municipal, etc. etc. Peu importe. On s'est engagé à construire une école avec une crèche, un centre de loisirs et à maintenir la bergerie sur site. C'est ce qu'on va faire. C'est ce à quoi on s'est engagé pendant la campagne et c'est ce qu'on va faire. Lorsque j'ai expliqué à Gilles Amar que je n'avais pas vendu... Parce qu'à un moment donné, il m'a accusé d'avoir vendu les terrains. Un promoteur immobilier, je lui ai expliqué que ce n'était pas le cas. Il m'a dit « Ah, je ne savais pas. » Ok. Après, lorsqu'on a dit qu'on n'allait pas construire effectivement ces deux bâtiments pendant la campagne, il a fait semblant de ne pas nous croire. Et il a fait semblant de ne pas nous croire. Et lorsqu'il a sorti... petit texte il y a quelque temps, il a expliqué que c'était grâce à sa grande mobilisation personnelle qu'on ne construisait pas les deux bâtiments. Alors, on peut lui en donner acte. On peut aussi nous donner acte à nous qu'à un moment donné, on a décidé de ne pas construire les deux bâtiments. On peut nous donner acte aussi à nous d'avoir acté, c'est le cas de le dire, qu'il n'irait pas au bout des prêts jumeaux. Vous voyez, on aurait pu s'entêter. On a acté les choses. On a été à l'écoute. On est à l'écoute. Mais effectivement, je pense que le maître mot, c'est humilité. Et l'humilité s'applique à tous et à toutes. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas nous dire ici que l'école et la bergerie, c'est contre nature, comme ça a été le cas au mois de décembre, n'est-ce pas ? Et nous dire que ça n'a pas existé. Donc, moi, je prends acte ce soir que, comme l'a dit Frédéric Gabin, vous considérez qu'il faut une école sur site. Avec la bergerie, on notera également qu'il faut une crèche et un centre de loisirs. Mais à un moment donné, il faut avancer. Alors, peut-être que l'histoire, elle n'est pas terminée, mais... je vous confirme que l'histoire elle va continuer et que ce projet se fera. Parce que nous dire il faut un projet alternatif, on a démontré par A plus B que le projet alternatif en question, ça revient à construire une école provisoire. Ça revient à construire une école provisoire, ça revient à décaler le projet d'au moins 2 ans. C'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas nous accuser systématiquement de gaspiller l'argent public et vouloir nous faire construire une école provisoire sur le secteur. Vous voyez, il y a une contradiction. Mais c'est aussi bien, ouais, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut une ferme école. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une belle banderole, il faut une ferme école et il y aura une ferme école, si Gilles Amar le souhaite. Voilà. Donc c'est le souhait de la municipalité. Je pense que c'est un projet d'intérêt général. Vous savez, l'humilité, c'est entendre que Gilles Amar a des partisans, puis c'est entendre aussi qu'il y a des gens qui seraient contents qu'ils partent, quoi. C'est aussi entendre ça. Ben oui, c'est entendre ça. L'humilité, c'est entendre ça. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et la bergerie est reconnue dans un tas de reportages, de documentaires. C'est oui, une fierté non seulement pour Bagnolet, mais pour tout le département. Mais, on devrait les chérir, ces gens-là. Ce sont des héros de nos villes. Il faut les remercier, ouais. Pas les casser. On vous c'est a pas horrible, de... c'est horrible. Vous savez... Nous, malheureusement, nous craignons que cette école ne soit que l'alibi pour démolir la bergerie et faire fuir ses responsables. Nous, on souhaite que la bergerie reste sur site. Ben ouais. Mais de préférence sans ses créateurs. Non, parce qu'il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Mais vous avez expliqué vous-même que c'était éphémère. Non, mais vous savez, monsieur Jamais, on peut critiquer Frédéric sur la buvette, sur tout ça, mais Mais à un moment donné, les fêtes jusqu'à 3 heures du matin. Il y a une habitante qui l'a expliqué lorsqu'on a fait la visioconférence. Ah, c'était ça, la blagounette sur la buvette ? Non, non, il y a une habitante. Il y a une habitante qui s'est. Le projet de la bergerie se résume à la buvette ? Ah non, pas du tout. Ah bon, pas du tout. Ça prend une place quand même beaucoup. Non, parce que. Mais tout le projet d'école, de centre de loisirs et de crèche ne se résume pas à la bergerie. Il ne faut pas inverser les paradigmes. Ben voilà, ce n'est pas ce que vous dites. Donc il faut une école, il faut un centre de loisirs, il faut une crèche et il y aura la bergerie sur site. Donc effectivement, on ne va pas voter votre vœu. Je propose de passer aux voix. Donc qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Non, c'est bon. Donc qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le vœu est rejeté. Bonne soirée. Il y a une question orale. Pardon, on avait oublié. On avait oublié la question orale. Ça va la censure, hein ? Pardon ? Vous vous portez bien, hein ? Conformément au règlement intérieur. Oui. Nous avons posé une question orale qui concerne la démocratie locale en période de crise sanitaire. Comme vous savez, le contexte sanitaire a provoqué une limitation drastique des réunions publiques en présentiel concernant la politique municipale. Et désormais, le mode quasiment unique de concertation est devenu la visioconférence. Alors, une réunion publique, par nature et par définition, c'est censé être ouvert à tous. Or, il apparaît, maintenant, depuis que cette modalité de visioconférence a été mise en place et éprouvée, en tout cas, c'est ce qui nous remonte des témoignages des habitantes et des habitants, et puis c'est aussi notre propre vécu à nous, comme opposition, il apparaît que les modalités qui sont choisies par le maire pour la tenue de ces visioconférences, réduisent, voire empêchent la participation citoyenne. Par exemple, des liens Zoom qui sont adressés au dernier moment aux gens et encore après avoir envoyé 10 mails ou passé 10 coups de fil pour le revendiquer. Invitation à certaines personnes et pas d'autres. Certaines personnes sont admises, pas d'autres. Certaines personnes ont le droit d'être là, pas là, alors que ça ne se justifie pas, par exemple, sur les jauges. Par visioconférence, en principe, il n'y a pas de problème de jauge, pas de problème de geste barrière. Et pourtant, il y a une sélection qui est faite entre bagnoletais pour savoir qui a le droit d'être concerté ou pas. Et puis évidemment, alors ça c'est la misère, joie et misère de la démocratie sous Zoom, c'est que évidemment l'utilisation du micro est à totale discrétion de l'animateur de la réunion, en l'occurrence le maire, et nous avons été un certain nombre à être victimes d'interventions intempestives pour nous couper le micro. C'était encore le cas pour moi en ce qui me concerne lors de la réunion sur l'îlot Robespierre. Mais si c'était que moi, ce ne serait pas grave du tout. C'est surtout, ça concerne monsieur et madame tout le monde dans différentes réunions. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave. Et d'autant que, comme on l'a dit et on l'a égrené tout au long de ce conseil municipal, il y a tout un tas de décisions de la mairie actuelle qui posent de sérieuses questions sur le plan démocratique, des sérieuses questions sur la contradiction forte qui existe entre ce qui a pu être dit ou sous-entendu pendant la campagne municipale et ce qui est fait derrière. Je parle bien sûr de la destruction des immeubles rue Pierre et Marie Curie, l'avenir du jardin partagé des coutures, l'avenir de la bergerie, et j'en passe. Alors, on considère que la crise sanitaire ne doit pas être synonyme de fin de la démocratie. Et la question, du coup, c'est de savoir, pour essayer de trouver une solution, si l'agenda des visioconférences, toutes thématiques confondues, pourrait être, s'il vous plaît, publié et mis en ligne sur le site de la mairie, afin que les habitantes et les habitants puissent s'organiser, parce qu'évidemment, prévoir une soirée pour participer à une visioconférence, ça s'organise. Demander les liens et que ces liens soient donnés aux gens 48 heures à l'avance. Je pense que 48 heures à l'avance, c'est raisonnable. 24, on a mis dans la question orale, voyez, donc j'ai été gentille. On vous laisse même juste 24 heures, ça serait déjà une grande avancée par rapport à ce qui se passe actuellement. Et encore une fois, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui auraient oublié, Je me souviens distinctement que, par exemple, Beck avait fait campagne au municipal sur la question de la démocratie, sur la question des droits de l'opposition spécifiquement. C'était écrit noir sur blanc sur le programme du Beck, renforcer les droits de l'opposition. Et le bilan aujourd'hui, c'est qu'on a un règlement intérieur qui, objectivement, réduit la parole de l'opposition. Alors peut-être que nos interventions vous gênent, peut-être que nos interventions vous font vous coucher trop tard une fois par mois, mais il n'en demeure pas moins que... Il est évident que collectivement, on est quand même plus intelligent hein, que lorsqu'il y a peu de gens qui décident et que malgré tout, nous, on essaye de faire notre travail de façon renseignée, de façon sérieuse. Et en tout état de cause, bah, c'est la démocratie, le fait qu'on soit là. C'est aussi la volonté d'une partie des bagnoletés que nous soyons là. Et il n'y a pas de raison que ces bagnoletés-là, que ce soit nous, l'opposition, ou que ce soit la population généralement, soient exclues des décisions publiques parce que c'est l'exclusion des habitants des décisions publiques qui provoque les mauvaises décisions. Bah, si vous voulez, on bâillonne l'opposition, mais allez-y, monsieur Jamais. Non, mais j'en ai pour quelques instants, vous avez, rassurez-vous. Non, je rajouterais à ce que vient de dire Raquel, qu'il me semblerait naturel, parce qu'on reçoit des flyers ici dans nos, qui sont inutiles à des réunions publiques, puisqu'on évite de se déplacer en mairie. Il me semblerait naturel que les élus d'opposition soient systématiquement invités aux réunions, soit prévenu par mail, et ça me semblerait tout à fait normal. On ne nous bâillonne pas normalement lorsqu'il y a une réunion publique organisée. Là, on doit naturellement être invité à chacune de ces réunions. Écoutez, si vous me permettez une boutade, au nombre d'interventions ce soir, et à tous les conseils municipaux, au nombre de minutes d'expression, on ne peut pas vraiment dire qu'on bâillonne l'opposition. Enfin, c'est ce que vous venez de faire à mon égard. On vous laisse parler, vous vous exprimez largement, ça ne nous pose aucun problème. Ça pose aucun problème que vous vous exprimiez. Alors, je vais répondre à votre question orale. Je ne doute pas un seul instant que chacun mesure combien la situation sanitaire que nous traversons depuis une année, conduit à devoir envisager différemment le rapport entre les habitants et la collectivité. Chacun comprend que les réunions publiques en présentiel ne sont plus possibles, au moins le temps de retrouver un mode de vie un peu plus normal. Si certains en doutent encore, je vous rappelle la consigne claire de la préfecture, en l'occurrence de la préfète déléguée à l'égalité des chances qui remplaçait le préfet, formulée lors de son audioconférence avec les maires et parlementaires du 26 février dernier, je cite, « Aucun rassemblement de plus de 6 personnes dans l'espace public dans la période, ni balade urbaine, ni réunion publique. Messieurs les maires, s'il vous plaît, vous oubliez tout ça. » Cela nous a d'ailleurs conduit à annuler l'ensemble des pieds d'immeuble que nous avions prévus, les réunions publiques ou autres rencontres avec les habitants. Et je ne peux noter à ce sujet que certains ne font pas preuve des mêmes précautions. Alors oui, les visioconférences ne sont pas le format le plus simple et le plus idéal pour la démocratie. Chacun en convient. Mais il ne me semble pas que le format que nous proposons puisse être qualifié d'antidémocratique. Chacun peut s'inscrire, chacun peut prendre la parole et nous laissons la parole largement. Encore cette semaine, pour la réunion à laquelle vous avez participé, Madame Garrido, les inscriptions étaient possibles jusqu'au début de la réunion à 19h30. Chacun a pu prendre la parole. Il me semble d'ailleurs que vous avez eu l'occasion de le faire. Et Monsieur Vionnet, votre collègue ici présent, à plusieurs reprises. Vous évoquez une publication des liens en amont, ce que nous avions fait lors de la série de conseils de quartier en fin d'année. Il ne vous a alors pas échappé, ou peut-être si, puisque je ne crois pas que vous y étiez présente, qu'un certain nombre d'entre eux ont été un peu bousculés par la présence de trolls non bagnoletais, notamment lors de la première visioconférence des coutures, où on s'est fait troller notre réunion. Vous connaissez l'expression, vu votre rapport aux réseaux sociaux. Donc, pour résumer, les liens sont adressés sans exclusif par les services municipaux. L'inscription est possible jusqu'au dernier moment, ce qui, au contraire d'un envoi 24 heures avant, permet une large participation des bagnoletaises et des bagnoletais à ces temps de concertation. Et croyez-moi que l'agent de la ville qui fait en sorte que les inscriptions soient possibles jusqu'au dernier moment est extrêmement consciencieuse. Ensuite, j'entends, on pourra vous envoyer les flyers à domicile, on pourra vous notifier Les informations des réunions publiques des conseils de quartier figurent toutes sur le site de la ville. Je le rappelle, les invitations aux réunions, même en visioconférence, sur les conseils de quartier et autres réunions, font l'objet de distribution de flyers aux habitants avec les éléments d'information. Donc, on ne bâillonne pas la démocratie et on fait en sorte que chacun puisse y participer dans une période un peu compliquée. Je vous remercie. Bonne soirée.